Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir la séance. Nous sommes un petit peu en retard dans les normes et les usages en France. Je parlais juste 5 minutes avant de me taire quasi définitivement. Bon, bah, je vous remercie toutes et tous d'être présents pour cette nouvelle séance du séminaire ISOPO. À la dernière séance, pour mémoire, ou pour celles et ceux qui n'étaient pas présents, nous avons discuté de l'un de ces grands ismes qui scandent les manières d'histoire des idées politiques, à savoir le républicanisme, plutôt certes aux périodes renaissante et moderne, alors qu'aujourd'hui nous allons plutôt nous concentrer sur la période très contemporaine, voire l'histoire du temps présent. Vous avez discuté donc de ce point de vue des enjeux méthodologiques qui s'articulent autour de ce que je pourrais appeler, ou ce qu'on pourrait appeler l'étude des modes collectifs de pensée, ou plus dit plus simplement des visions partagées du monde, autrement dit l'histoire sociale des idées politiques à grande échelle, hein, ce qui bien sûr apparaît inséparable des conditions pratiques de circulation et d'appropriation des idées. Bon. On va passer donc à un nouvel isme, les néolibéralismes. On verra d'ailleurs que la question de la pluralité et donc de la définition, ou de l'impossible définition du ou des néolibéralismes, va sans doute se poser à nouveau dans la discussion. Et par ailleurs aussi dans la perspective d'édifier un projet de grand manuel extrêmement impossible lui aussi, et extrêmement vicieux, d'histoire sociale des idées politiques. Qu'on avait déjà évoqué très rapidement une fois ou deux ici, hein, on a souhaité, Thibault et moi, revenir donc sur ce sujet, un sujet très, très certes rebattu, fort rebattu, aussi bien par les philosophes, les historiens, les politistes, les sociologues, les économistes, etc., et j'en passe et des meilleurs, les politiciens bien sûr aussi, hein. Mais donc beaucoup plus contemporain et qui a fait l'objet de travaux toujours plus nombreux, y compris en langue française, le néolibéralisme donc qui apparaît toujours comme le langage politique dominant de notre temps et le standard toujours vivant de l'action publique au niveau mondial. Alors, on va en discuter dans une double perspective, celle d'un historien, donc Jean Solchani, que nous remercions vivement d'avoir accepté notre invitation. Jean Solchani, qui est donc maître de conférence, habilité à diriger des recherches en histoire contemporaine à l'IEP de Lyon, membre du laboratoire Lara, et son dernier ouvrage s'intitule Wilhelm Röpke, l'autre Hayek. Donc tu parles, je pense que tu reviendras sur ce titre peut-être, aux origines du néolibéralisme, aux publications de la Sorbonne parues l'année dernière. Et par ailleurs, tu as une œuvre avant celle-là, puisque tu as aussi travaillé sur. Corrige-moi si je me trompe, sur la mémoire du nazisme. Oui. Sur la mémoire du nazisme, c'était tout premier travaux. Et Jean Solchani a aussi fait un remarquable manuel d'histoire de l'Allemagne contemporaine, hein, au XXe siècle exactement, que je recommande chaudement. Bon. Donc la perspective d'un historien, Jean Solchani, donc, qui trajectoire dont le dernier livre est consacré à la trajectoire donc, de Wilhelm Röpke, qui court presque tout le XXe siècle, et qui est objectif d'histoire du néolibéralisme allemand, d'une certaine manière, tout en s'éloignant des lieux presque communs, hein, sur la question des origines du néolibéralisme, comme je sais pas, le colloque Lippmann, la Société du Montpellier, même si tout ça est évidemment très très important, et ce n'est pas non plus François Delors qui me contredira, ni Thibault, mais qui me contrediront sur ce point. Deuxième perspective, celle donc d'un politiste, Thibault Rioufray, qui est aussi l'organisateur et à la fois le sujet et l'objet de qui est docteur en sciences politiques, chercheur associé au laboratoire Triangle, toujours, oui. Excuse-moi, je me perds un peu, à Lyon, qui va faire paraître un ouvrage tiré de sa thèse sur la réception du néo-travaillisme britannique chez les socialistes français de 1997 à 2015, bientôt donc aux presses universitaires de Grenoble, les PUG. Voilà. Mais alors, je dis politiste, mais t'es un peu historien dans ton genre, hein, si je peux dire, puisque, en l'occurrence, dans le papier qu'on a fait circuler, historien des mots d'ordre, des labels, en l'occurrence celui de social-libéralisme, hein, typiquement l'idée politique sans noblesse, sans auteur, ou alors peut-être avec quelques auteurs, sans théorie, sans philosophe, ou un petit peu peut-être aussi, hein, qu'on lit, mais pourtant couronnée d'un succès idéologique, voire politique, sinon éblouissant, du moins palpable et certain. Bon, c'est dire si cette littérature politique mineure, que, selon ton expression, joue un rôle majeur, politiquement majeur, avec ses gras de papier dans l'ombre, ses intellectuels organiques, ses bricoleurs de concepts qui ont produit ce que tu appelles aussi cette hybride idéologique, qui me paraît surtout être le marqueur de la conversion du Parti socialiste français au néolibéralisme. Et ce qui pose la question plus générale, c'est comment faire une histoire des idées politiques faibles, médiocres, et pourtant porteurs d'une félicité politique imprévue ou insoupçonnée. Bref, des idées moches, méchantes et faibles, idiotes. Bon. Qui de mieux que François Denord, je ne sais même pas si je dois le présenter, qui est donc chargé de recherche au CNRS et qui est auteur de plusieurs ouvrages, mais notamment, je crois que c'est ton premier chronologiquement, ta thèse Néolibéralisme, une version française, histoire d'une idéologie politique aux éditions Démopolis, paru en 2007, mais tu as aussi fait paraître avec Antoine Schwartz un petit mais costaud ouvrage intitulé « L'Europe sociale n'aura pas lieu » et ainsi que avec Bertrand Réau un repère sur la sociologie de Charles Wright Mills. Et je me tais et je laisse la parole peut-être d'abord Jean dans l'ordre chronologique des objets abordés, si ça te va. Très bien. Jean, c'est à toi. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation qui me permet de vous dire. Donc vous parlez de Willem Röpke, j'ai intitulé mon intervention « Pourfendre le collectivisme, Willem Röpke, un croisier du néolibéralisme ». Alors de quoi va-t-il s'agir derrière cette rhétorique un peu martiale? Une réflexion sur le néolibéralisme abordé par le biais biographique. Et je vais tenter, lors de mon intervention, de restituer le parcours d'un économiste néolibéral allemand, donc Willem Röpke, sur lesquels j'ai publié une étude issue d'une HDR l'année dernière. Alors, Röpke, c'est un nom qui ne parle pas à grand monde, contrairement à celui de son alter ego Friedrich Hayek. C'est un nom qui ne parle pas à grand monde, si ce n'est aux spécialistes ou aux aficionados de la question néolibérale. Et pourtant, c'est un peu l'un des arguments commerciaux que j'ai utilisé pour rédiger cette étude, il a joué, Röpke, un rôle quasiment aussi important que Hayek dans la fondation de ce que l'on peut appeler le mouvement néolibéral ou l'idéologie néolibérale. On peut utiliser plusieurs termes pour disserter sur la notion de néolibéralisme. Alors, en guise d'introduction, je vais commencer par quelques remarques, quelques réflexions sur la nature de la démarche que j'ai souhaité mettre en œuvre en rédigeant ce qui est la biographie d'un économiste. Donc, la première remarque, mais c'est une remarque qui est en gros une des questions centrales dont on va parler aujourd'hui. Ma première remarque consiste à souligner qu'avec le néolibéralisme, on a affaire à un objet dont la définition ne va pas de soi, c'est le moins que l'on puisse dire. Même si cette notion est d'un usage très courant depuis, disons, la fin des années 1990. C'est là qu'on assiste à un décollage exponentiel du recours à cette notion. Une notion omniprésente dans le débat intellectuel, médiatique, politique. Une notion qui est souvent rejetée par ceux qui sont supposés en être les principales figures. Si vous dites un néolibéral aujourd'hui qu'il y a un néolibéral, quand je dis néolibéral, c'est ceux qui se réclament explicitement de Hayek, de Friedman et de tous les autres, il va dire non, non, nous ne sommes pas des néolibéraux, nous sommes autre chose. Ils vont rejeter l'étiquette de néolibéral. Cette notion est souvent utilisée pour également désigner un certain nombre de politiques économiques dont les maîtres d'œuvre pourtant se refusent à considérer qu'elles sont néolibérales. Donc, au-delà de ces réfutations par les acteurs des politiques supposées ou réellement néolibérales, il y a une vraie interrogation sur les définitions de cette notion. Et je dois dire que plus je travaille sur cette question-là, moins je suis capable de définir ce qu'est le néolibéralisme. Alors, je me contenterai donc de rappeler ici que le néolibéralisme a une longue histoire qui remonte à l'entre-deux-guerres. Il n'est donc pas possible de réduire le néolibéralisme à un phénomène d'abord anglo-saxon, dont l'émergence daterait donc du début, la fin des années 70, du début des années 80, avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan. Les premiers textes néolibéraux ont été publiés, vous voyez à l'écran, dès le milieu des années 30. Hein. On a « Positive Program for Laissez-faire » de l'économiste américain Henry Simons, la fameuse « Good Society » du journaliste américain Walter Lippmann, Willem Röpke, « Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart », grosso modo la crise du monde contemporain, c'est traduit en français par la crise de notre temps, 42, et la fameuse « Route de la servitude » de Hayek, 1944. Donc on est très loin de Thatcher et Reagan, chronologiquement parlant. Parmi ces quatre ouvrages, On n'entend peut-être pas bien ce que je dis, j'ai pas appuyé sur le bouton, ça va mieux. Parmi ces quatre ouvrages, les deux qui ont exercé l'influence la plus importante et la plus durable, ce sont les deux derniers, rédigés, celui de Röpke par un Allemand donc, et l'autre par un Autrichien. Tout ça pour vous dire que le premier néolibéralisme, qui va des années 30 aux années 50, ce premier néolibéralisme, je dirais qu'il est d'abord une affaire européenne, et notamment germanique. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les figures marquantes de ce premier néolibéralisme, là ce sont, outre Röpke et Hayek, ou Hayek et Röpke, l'Allemand Walter Eucken, le Suisse William Rappard, aussi l'Autrichien Ludwig von Mises, secondairement Milton Friedman, et également, pour la fin des années 30, Louis Rougier. L'étoile, je dis secondairement Milton Friedman, parce que l'étoile de Milton Friedman ne va commencer véritablement à briller qu'à partir de la fin des années 50. Autrement dit, la fondation du néolibéralisme à la fin des années 30 et au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec la Société du Mont-Pèlerin, c'est d'abord une affaire d'intellectuels européens, dont on pourra me dire que certains d'entre eux se sont installés aux États-Unis ou vont s'installer aux États-Unis, c'est vrai, mais s'il y a un transfert d'idéologie à cette époque, c'est pas des États-Unis vers l'Europe, mais c'est dans le sens inverse, c'est de l'Europe vers les États-Unis. C'est les États-Unis qui accueillent des concepts venus du continent, du vieux continent. C'est donc avant tout de ce premier néolibéralisme dont je vais vous parler aujourd'hui, donc des années 30 aux années 50, grosso modo. Il s'agit, avec ce premier néolibéralisme, d'une mobilisation d'économistes qui commence à la fin des années 30 et qui s'affirme, qui se poursuit avec la fondation donc, de la fameuse Société du Mont-Pèlerin en avril 47 sur les bords du Léman. Alors c'est vrai, cela dit, qu'il y a aussi quelques non-économistes parmi ces néolibéraux de première génération, notamment Louis Rougier, mais globalement, ce sont des économistes, même s'il y a également, au-delà des universitaires qui ne sont pas des économistes, des journalistes, des lobbyistes. Alors c'est important de le souligner, parce que cette mobilisation néolibérale, ce n'est pas des intellectuels qui se réunissent entre eux pour réfléchir de manière un peu désintéressée à l'avenir du monde, ce sont ces néolibéraux fondamentalement des gens qui ambitionnent d'exercer une influence sur le cours de l'histoire en combattant ce qu'ils appellent le collectivisme. Entre guillemets, le collectivisme, c'est un concept clé de la vision du monde néolibéral, et pour combattre le collectivisme, ils veulent promouvoir un libéralisme repensé, un nouveau libéralisme dont ils veulent faire, c'est l'objectif à long terme, la nouvelle idéologie dominante qui se substituera à la domination réelle ou supposée du collectivisme. Alors voilà pour ces quelques remarques préliminaires, ou ces deux premières remarques. Pour en revenir plus directement à mon objet d'étude, à travers Röpke, j'ai voulu braquer le projecteur sur un phénomène qui relève à la fois de l'histoire des sciences, il s'agit de l'histoire de la pensée économique, qui relève également de l'histoire sociale, au sens de l'étude des sociabilités, au sens de l'étude des réseaux, mais il s'agit d'un objet, Röpke, qui relève plus largement de l'histoire idéologique et culturelle, car le néolibéralisme, au-delà de ses préoccupations strictement économiques, à dénoncer l'interventionnisme étatique, la protection sociale, etc., le néolibéralisme, au-delà de ses préoccupations, donc, au sens économique du terme, se veut une vision du monde globale, un discours global de la réforme, concernant non seulement l'économie, mais visant aussi à réformer en profondeur la société, la politique, la culture, les relations internationales, etc. Donc, un objet qui se trouve au croisement d'un certain nombre de sous-disciplines des sciences sociales avec Röpke. Alors, cela dit, pourquoi avoir retenu, choisi l'outil de la biographie pour travailler sur le néolibéralisme? J'aurais pu, par exemple, choisir, faire le pari d'une étude des réseaux néolibéraux en prenant appui sur les néolibéraux allemands et autrichiens, sur les réseaux qu'ils charrient, etc. Alors, je ne l'ai pas fait parce qu'il m'a semblé que la biographie était un outil d'investigation tout à fait approprié pour cerner la nature d'un mouvement au sein duquel quelques grandes figures ont joué un rôle central. Et peut-être que c'est l'une des caractéristiques du néolibéralisme, elle est là, c'est l'importance de ces grandes figures, Hayek, Röpke, Friedman, Rougier, dans les années 30. Donc vous avez quelques grandes figures qui jouent un rôle moteur et qui sont à considérer, ces grandes figures, comme autant d'intellectuels. et ça c'est une remarque suivante dans cette introduction, c'est une évidence qui me paraît malgré tout important de rappeler, les économistes sont des intellectuels, au même titre que les écrivains, les historiens, les sociologues, les anthropologues, ce sont des intellectuels parce qu'ils délivrent une certaine interprétation du monde. Ils participent également, ces économistes, au combat scientifique, intellectuel, pour la définition de la norme légitime. Ils promeuvent des discours de rénovation, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils aspirent également à exercer une influence. Et certains économistes, notamment donc du côté néolibéral, peuvent être considérés comme des intellectuels au sens plein du terme, universalistes beaucoup plus que spécifiques. Et avec Kropke, on a un bel exemple d'économiste intellectuel qui délivre un discours global sur le monde, comme je vais essayer de vous le présenter maintenant. Il me semble que le parcours de Kropke est particulièrement instructif pour comprendre comment s'est constitué, comment fonctionne ce premier néolibéralisme qui va des années 30 à, disons, le début des années 60. Alors, plus précisément, qu'est-ce que j'ai essayé de faire en termes, je dirais, méthodologiques? Mon souci a été de concilier les objectifs de ce que j'appellerais, de manière assez grossière, hein, simplificatrice, l'histoire des intellectuels d'un côté et l'histoire des intellectuels de l'autre. Alors, par histoire intellectuelle, j'entends une histoire d'abord soucieuse de restituer le contenu des œuvres, dont l'étude ne peut pas passer à la trappe sous le prétexte que s'y intéresser reviendrait à remettre au goût du jour une sorte d'histoire des idées des œuvres. Les œuvres ont un contenu, ce contenu est important à analyser, il ne doit pas passer à la trappe au nom d'une vision trop restrictive de l'histoire sociale. Mais ces textes, cela dit, sont à contextualiser de manière aussi rigoureuse et englobante que possible. Et pour moi, cette contextualisation, elle passe moins par le recours, par exemple, aux outils de l'école de Cambridge que par le recours aux outils de l'histoire sociale et culturelle, par le recours aux outils de l'histoire des intellectuels. L'histoire intellectuelle et l'histoire des intellectuels vont de pair, à mon sens, et donc l'histoire des intellectuels est la seconde référence, a été la seconde référence qui a guidé ma réflexion. Les trajectoires des producteurs des discours, la réception de leurs analyses, les réseaux dans lesquels s'inscrivent ces producteurs de discours sont absolument incontournables dans l'analyse, au-delà de l'analyse, au-delà de l'étude des textes proprement dit. Mais si les textes sont des formes matérielles aussi, qui s'incarnent dans des contextes, ils ont également, je dirais, ces textes, une capacité performative intrinsèque qui génère des effets de croyance. Et ces effets de croyance ne sont pas réductibles aux seules conditions sociales et culturelles de la production de ces documents. Ces effets de croyance s'inscrivent, je dirais, dans un horizon d'attente dont la prise en compte passe par l'histoire des cultures politiques, au-delà de l'histoire sociale des intellectuels au sens strict du terme. Pour résumer un peu ce que j'ai essayé de mettre en œuvre dans ce livre, pour définir donc l'approche que j'ai privilégiée, je la présenterai comme l'analyse d'une interaction. J'ai voulu étudier la réflexion de Kropke comme le produit d'une interaction entre celui qui élabore cette pensée, entre l'auteur, le contexte intellectuel qui rend cette pensée pensable, la configuration idéologique qui la rend audible, et le dispositif de promotion qui la rend influente. Donc voilà l'étude d'une interaction entre ces différentes thématiques de réflexion. Donc pour résumer ma démarche, la pensée économique me semble pouvoir et même devoir être contextualisée à toute une série de niveaux. La biographie m'est apparue comme un instrument adéquat pour mettre en œuvre cette contextualisation que je souhaitais aussi large que possible. Et pour vous donner un peu ma conception de la biographie, je dirais que, pour vous présenter rapidement ma conception de la biographie, je dirais que le récit biographique s'apparente à une série de photographies dont le personnage principal n'existe que dans la perspective du paysage dans lequel ce personnage principal s'inscrit. C'est ce paysage d'événements, de processus, de représentations, de réseaux, d'idéologies qui se trouvent au centre de ma reconstitution du parcours du même Kropke. Alors Kropke, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un intellectuel. C'est-à-dire, on peut donner 36 définitions d'intellectuel, Je dirais qu'un intellectuel, c'est un producteur de discours ayant conquis une notoriété suffisante pour que ses interventions dans les débats de la cité soient perçues comme légitimes. Donc un producteur de discours qui a conquis une légitimité. J'ai voulu interpréter le parcours de Wilhelm Röpke comme la construction de cette légitimité, ou plutôt comme la construction d'une triple légitimité. Je vais donc, dans un souci de la rhétorique à la française, développer trois points. Premier point, d'abord la conquête par le jeune Röpke d'une légitimité universitaire précoce. Alors Röpke, je ne vais pas vous abreuver de détails biographiques, je vous dirai simplement qu'il est né en 1899, la même année que Hayek, c'est vraiment la génération du tournant du siècle. Et la principale, le principal point à souligner pour le début de sa carrière, c'est de mettre en évidence sa précocité. Dans les années 20, donc dans l'Allemagne de Weimar, il a su exploiter avec un maximum de profit les opportunités de carrière qui étaient offertes à la nouvelle génération des économistes par une conjoncture plutôt favorable. Conjoncture universitaire et disciplinaire plutôt favorable. Alors d'abord, premier point qui fait que les possibilités de carrière pour les jeunes économistes étaient relativement favorables dans les années 20, le premier point, c'est que la pensée économique allemande, dans les années 20, se trouve dans une plongée, dans une profonde crise paradigmatique. Il n'y a pas de paradigme dominant qui se serait imposé à tous les autres. De nombreux courants s'affrontent sans que l'un d'entre eux n'arrive véritablement à s'imposer. Et de ce point de vue-là, la situation dans les années 20 est assez radicalement différente de celle qui prévalait avant la Première Guerre mondiale, parce que des années 1870 aux années 1910 a dominé en Allemagne, dans l'Empire allemand, ce que l'on a appelé l'école historique allemande. L'école historique allemande, c'est le courant dominant dans la pensée économique allemande de l'époque, c'est une pensée économique historiciste, donc aux antipodes de ce que l'on peut connaître aujourd'hui, par exemple. Une pensée économique historiciste dont le leader, le maître incontesté, a été Gustav Schmoller. Alors, quelques mots sur cette école historique allemande qui jugeait impossible d'identifier à un niveau théorique et déductif des lois intemporelles régissant le fonctionnement de l'économie. Ça, pour les économistes allemands historicistes de la fin du 19e siècle et du 19e siècle, c'est une absurdité. L'économie, qu'est-ce que c'est pour eux? Il faut considérer l'économie concrète, le rôle des institutions, le rôle de l'État, le rôle de la culture. Et pour considérer cette économie concrète et la manière dont elle s'inscrit dans tous ces horizons-là, eh bien, il faut multiplier les études empiriques, les études de cas. Et c'est seulement dans un second stade, lorsque l'on aura réalisé un nombre suffisant d'études empiriques, que l'on pourra passer à une phase de théorisation qui permettra, pour le coup, de mettre en évidence des lois économiques, mais des lois économiques qui ne valent qu'à l'échelle d'une certaine configuration historique. Donc des lois économiques dans le cadre, je ne sais pas, de l'affirmation du capitalisme, ce ne sont pas les mêmes que celles qui prévalaient à l'époque médiévale, etc. Donc une approche résolument historiciste de l'économie, voilà ce qui prévalait jusqu'en 1918. Cette vision de l'économie, elle est à l'opposé de ce que l'on appelle l'école autrichienne de la pensée économique, dont le père fondateur, Eckhard Meyer, et dans les années 1880, une controverse scientifique, la querelle des méthodes, on l'a appelée, a violemment opposé Menger et Schmoller, qui se sont interpellés par le biais de manifestes. Pour Menger, l'essentiel, c'est pas l'histoire, l'essentiel, c'est précisément l'identification des lois intemporelles qui régissent l'économie, hors quel que soit le contexte historique qui voit leur mise en œuvre, qui permet l'observation de leur existence. Ce qui veut dire que jusqu'en 1918, on peut jusqu'à un certain point opposer une sorte d'exception allemande, celle de l'école historique allemande, incarnée par Schmoller, à une sorte de mainstream marginaliste en Suisse, en Grande-Bretagne, en Autriche, là où a été théorisé pour la première fois ce que l'on appelle la révolution marginaliste de la pensée économique. Alors, qui dit exception allemande dit suite réflexion de prudence. L'exception allemande n'est que relative, parce que déjà, à l'étranger, cette école historique allemande de la pensée économique a exercé une influence considérable, notamment aux États-Unis, au XIXe siècle. Beaucoup d'Américains ont été formés en Allemagne, et le courant institutionnaliste aux États-Unis est relativement vigoureux à cette époque-là, et il s'inspire pour une part de l'école historiciste, Et cette école historiciste allemande a également exercé une influence considérable en Grande-Bretagne. Les enseignements de la jeune LSI sont directement influencés par l'expérience de l'école historique à Prague. Reste que, dans les années 20, cette école historique, elle est largement désavouée, mais donc il n'y a pas de nouveau paradigme qui s'impose. Déjà, les idées historicistes, je viens de vous dire qu'elles sont contestées, mais elles n'ont pas complètement disparu. En particulier, s'affirme un courant néo-historiciste avec des grosses pointures. Alors, Werner Sombart est le plus connu d'entre eux. Arthur Spitoff est également quelqu'un de très connu. Vous avez également, dans cette Allemagne des années 20, un courant organiciste aux antipodes de la théorie classique, aux antipodes du libéralisme, dont le représentant le plus célèbre est Otmar Spahn, qui est un véritable gourou qui fascine les étudiants. Donc, vous avez une multiplicité de paradigmes. Il n'y en a pas un qui arrive à s'imposer par rapport aux autres. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une école dominante qui peut verrouiller les recrutements. Donc les recrutements sont plus ouverts qu'à l'époque historiciste où Gustav Schmoller contrôlait étroitement les recrutements. Conjoncture favorable déjà de ce point de vue-là pour la nouvelle génération des économistes. Second élément qui fait que la conjoncture est favorable, c'est que les recrutements sont à la hausse. Je vais vous donner des chiffres, on reste dans des ordres de grandeur relativement limités, mais il y a plus de chaires d'économie à la fin des années 20 qu'au début des années 20. Troisième élément qui fait de ces années 20 une conjoncture favorable aux économistes, vous avez une formidable demande sociale qui s'adresse aux économistes. Donc, dans un monde, un nouveau monde, celui de l'entre-deux-guerres, à l'économie troublée. Donc, la demande d'expertise qui s'adresse aux économistes est plus importante qu'avant la guerre. Et vous avez un signe qui ne trompe pas, c'est la multiplication d'instituts de la conjoncture aux États-Unis puis en Europe. Pour donner un seul exemple, le jeune Hayek trouve un premier emploi dans l'Institut autrichien de la conjoncture, cofondé avec Ludwig von Mises, donc autre grand représentant de l'école autrichienne. C'est de cette double conjoncture dont tire profit Röpke, qui fait partie d'un groupe de jeunes théoriciens dont l'ambition commune est de tordre définitivement le cou à la vision historiciste, et en même temps de raccorder l'économie allemande, pensée économique allemande, au mainstream marginaliste. Röpke, il est spécialisé dans le champ le plus dynamique de l'époque, les théories de la conjoncture, et en particulier les théories monétaires de la conjoncture. Peu importe le détail, il suffira de souligner que Röpke est, comme Mises et comme Hayek, l'un des principaux théoriciens, jeunes théoriciens, de ces théories monétaires de la conjoncture. Et le point le plus important sur lequel je voudrais insister maintenant, c'est le fait que Röpke accède très tôt à une très forte reconnaissance académique. Il devient professeur d'université à l'âge de 25 ans, et dès même pas la trentaine, il devient professeur ordinaire, qualification qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, désigne le sommet de la hiérarchie. Il est l'un de ces prestigieux professeurs doctorants qui peuplent jusqu'à aujourd'hui les universités germaniques. C'est une précocité qui mérite explication. Au-delà d'une conjoncture favorable, qui est celle que je viens de vous présenter, le jeune Röpke a brûlé les étapes. Il soutient son habilitation âgé de 23 ans, un an à peine après avoir soutenu son doctorat. Donc il a tout pillé très rapidement, et c'est aussi cela, plus un réseau bien fourni, qui lui permet de devenir professeur d'université dès la fin des années 20. Ce qui veut dire qu'à la fin des années 20, l'avenir semble sourire au jeune Röpke. Le monde occidental plongé dans une période de croissance, la nouvelle économie théorique peut se réclamer de la légitimité de l'expertise, allie Röpke à la fin des années 20 l'avènement d'un monde meilleur dont les fluctuations économiques pourraient être contrôlées grâce aux nouvelles certitudes délivrées par les théories de la conjoncture n'est plus hors de portée. Donc un optimisme scientiste. Mais la crise de 1929 met radicalement en question ce fantasme d'une science régulatrice. Alors cela dit, la crise de 1929, Röpke est l'un de ceux qui arrivent à la gérer de la manière la plus efficace qui soit du point de vue de la poursuite de sa carrière. Il faut dire que Röpke, contrairement à la plupart de ses futurs camarades de combat néolibéraux des années 30 et 40, Röpke est loin de prêcher l'inaction, de dire qu'il faut attendre que le cycle économique redémarre de lui-même. Il réclame au contraire des mesures d'urgence, de nature contracyclique. Il n'est pas loin, en fait, au début des années 30, des recommandations de Keynes, et il s'affirme comme un expert reconnu et écouté, sollicité par les autorités gouvernementales. Son diagnostic de la crise secondaire, je ne rentre pas dans le détail, qui permet de caractériser la crise en Allemagne, est discuté par tous les économistes de l'époque, et on peut dire que la crise sert beaucoup plus qu'elle ne dessert sa carrière d'universitaire. En revanche, L'arrivée des nazis au pouvoir est une épreuve beaucoup plus difficile. Robespierre, l'un des rares dans le camp libéral et conservateur à avoir critiqué ouvertement les nazis, c'est pour l'une des raisons pour lesquelles il se retrouve mis à la retraite d'office à l'âge de 34 ans, au printemps 1933. Il n'en reste pas moins qu'il a de nombreux atouts à faire valoir pour réussir une deuxième carrière à l'étranger. Il se retrouve d'abord à Istanbul, où Mustafa Kemal Atatürk a fait venir une centaine d'universitaires allemands pour moderniser l'université d'Istanbul. Et Robespierre dirige la faculté d'économie. Il s'adapte mal, cela dit, au climat turc, et à l'automne 1937, il parvient à se faire recruter à l'Institut universitaire des hautes études internationales à Genève, IUHU. Alors cette mobilité, comme on dirait aujourd'hui, souligne l'importance des réseaux internationaux dont dispose Robespierre. J'ai évoqué tout à l'heure la multiplication des instituts de la conjoncture un peu partout aux États-Unis et en Europe, disons, occidentale. Les années 20, c'est aussi l'époque de la montée en puissance des organisations internationales, la SDN, avec pour épicentre Genève, la SDN qui a une section économique et financière qui commandite de nombreux travaux, de nombreux rapports à des économistes. Et avec la crise, la Grande Dépression, la demande technocratique qui s'adresse à la science économique s'accroît encore. Ce qui veut dire que pour les économistes les mieux introduits, il y a de multiples opportunités d'emploi. Et certains de ces économistes les plus en vue ont acquis une visibilité internationale dès les années d'études, grâce notamment, et c'est un point important, aux bourses de recherche délivrées par la Fondation Rockefeller, donc des bourses de recherche pour aller aux États-Unis, dont a bénéficié par exemple Robespierre, qui a fait un séjour de 9 mois aux États-Unis en 1926-1927. Il y a un pays qui est par excellence une terre d'émigration pour les économistes, c'est la petite Autriche, qui se trouve en véritable situation de surproduction d'économistes. Vous avez Schumpeter qui gagne l'Allemagne, puis ensuite les États-Unis à la fin des années 20. Vous avez Hayek qui gagne Londres, la Grande-Bretagne au début des années 30. Il y a déjà donc une très forte mobilité des économistes à l'époque des années 20. Avec l'arrivée des nazis au pouvoir, la mobilité des économistes prend une dimension nouvelle. Vous avez la conjonction entre l'immigration scientifique, qui existait déjà antérieurement, et l'immigration politique. Et cela crée des flux très importants. Pour les démocraties occidentales, pour les États développés du monde occidental, il y a cette très vaste migration des intellectuels allemands, des universitaires allemands, puis autrichiens chassés par le nazisme, est une formidable opportunité. C'est ce que dit sans détour William Rappard, que j'ai cité tout à l'heure, hein, le Suisse William Rappard, qui dirige l'Institut universitaire des études internationales. Il l'écrit sans détour en mai 1933. Il évoque, je cite, les événements en Allemagne qui ouvrent la possibilité de recruter des collègues de haut niveau qui n'auraient jamais pensé, je cite, à quitter leur chaire dans des conditions normales. Ce qui permet à l'IUHEI de recruter Mises en 1934 et Robespierre donc en 1937. Alors l'IUHEI, c'est une institution emblématique des mutations académiques d'entre-deux-guerres. Déjà, c'est une institution jeune, fondée en 1927, financée pour l'essentiel par la Fondation Rockefeller, et donc pas par la Suisse ou le canton de Genève. C'est une institution fondée pour former les futurs fonctionnaires internationaux dont le monde international de l'entre-deux-guerres a besoin. C'est un peu comme la LSI britannique, mais à une échelle plus réduite. C'est un nouveau style d'institution universitaire. Les professeurs sont autant des experts que des universitaires. Et Robespierre est reconnu par la SDN, par la Fondation Rockefeller, comme un spécialiste donc des théories de la conjoncture, mais aussi des questions agricoles. Il peut donc poursuivre, une fois installé à Genève, une brillante carrière. De 1936 à 1942, il ne publie pas moins de 4 livres d'économie, en français, en allemand, en anglais. Donc on ne peut pas dire du tout que l'exil a interrompu sa carrière. Au contraire, on peut même dire que l'exil a permis de peaufiner sa réputation internationale et d'acquérir une réputation internationale. On pourrait donc dire que l'exil, finalement, n'a pas eu tellement d'effet sur la carrière de Robespierre. On pourrait dire ça, mais ce serait en fait très réducteur. Sous l'effet du fascisme, sous l'effet de la guerre mondiale, le parcours de Robespierre subit en fait une inflexion majeure. L'économiste expert se transforme en penseur de la crise. Et cette mutation, que je vais analyser maintenant dans un second temps, après la conquête d'une légitimité scientifique, une légitimité universitaire, la conquête du magistère intellectuel, la transmutation du Röpke économiste en un Röpke penseur humaniste de la crise moderne. Alors pour Röpke, au début des années 40, la réflexion purement théorique, la réflexion purement économique, ça ne suffit plus. Son ambition, c'est maintenant de penser globalement la crise, avec un grand C, entre guillemets, la crise politique, sociale, culturelle, qui selon lui gangrène le monde occidental depuis très longtemps, et dont la Seconde Guerre mondiale n'est finalement qu'une sorte de manifestation presque anecdotique. Et il condense ses réflexions dans un livre que j'ai évoqué tout à l'heure, Die Gesellschaftskrise der Gegenwart, la crise de notre temps, qui paraît au printemps de 1940. Alors dans ce livre, Röpke se fait sociologue pour dresser un portrait très sombre. C'est celui d'un monde ravagé par l'industrialisation, la massification, la sécularisation, l'interventionnisme, le socialisme, l'étatisme, le nationalisme, la perte des valeurs, j'en passe, hein, et des meilleurs. À l'entendre, la civilisation née en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ est sur le point de disparaître. Mais Röpke ne s'arrête pas là. Il propose une thérapie pour sauver le monde au bord du gouffre. Cette thérapie se présente comme une troisième voie. Une troisième voie ambitieuse entre d'un côté le laisser-faire qui est accusé d'avoir failli et d'un autre côté le collectivisme qui est une terrible menace, qui est la terrible menace qui pèse sur le monde dans le contexte de la crise globale de la modernité. Son credo, c'est donc cette troisième voie. Il utilise plusieurs termes. Il parle de libéralisme constructif, il parle d'humanisme économique, il parle d'un nouveau libéralisme et sa perspective dépasse très largement l'horizon de l'économie. La crise du monde moderne est d'abord spirituelle. Il faut refonder la civilisation sur des bases saines. Alors la question, c'est comment expliquer cette reconversion de l'économiste expert dans la sociologie critique de la modernité. On a une sorte de démodernisation du parcours de Röpke. Alors une première réponse peut être apportée par une sociologie du milieu universitaire allemand qui a été faite de façon magistrale dès la fin des années 60 par Fritz Kehringer, qui propose, lui et d'autres ont proposé, une analyse tout à fait intéressante, pertinente de ces universitaires allemands, une caste de quelques milliers de personnes à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, profondément angoissés par l'avènement de la modernité. Ils jugent que la civilisation technicienne menace le magistère de la vieille université humboldtienne, et donc ils sont tous tenaillés, ces universitaires allemands, 80% d'entre eux, par un imaginaire antimoderniste très répandu, qui est une sorte de ciment identitaire au-delà des divergences idéologiques qui peuvent les séparer les uns des autres. Donc on peut voir dans la pensée antimoderniste de Röpke une sorte de réactivation de cet imaginaire antimoderniste propre à la culture universitaire allemande. Au-delà des universités, mais toujours en Allemagne, dans les années 20, c'est bien un cliché du débat intellectuel, un topos, le principal topos du débat intellectuel, c'est celui sur la crise. On ne parle que de crise dans la mi-des années 20, crise spirituelle, Jaspers, et tas d'autres parlent de crise. Et donc, là aussi, on peut dire que Röpke, avec son discours, ses analyses des années de guerre, ne fait que réactualiser tout un discours sur la crise typiquement allemand, typiquement weimarien. Cela dit, il faut là aussi se garder d'une lecture trop germano-allemande de la sociologie antimoderniste produite par Röpke. Cette culture mandarinale, antimoderniste, cette peur des masses, cette peur de la civilisation technicienne opposée à la culture, vous ne trouvez pas ça en Allemagne uniquement ou en Suisse, vous trouvez ça en France sous des modalités différentes, vous trouvez ça dans d'autres pays. On peut dire que dans les années 30 et 40, on assiste à une sorte d'apogée dans le monde occidental d'une sorte de discours de dénégation de la modernité, une sorte d'apogée d'une sociologie antimoderniste. Il y a un auteur et un nom qui résume tout à fait cette sociologie antimoderniste, c'est Ross et Ortega Gasset et sa Rébellion de las Masas, donc le livre, un peu la matrice, l'une des premières manifestations de ce genre à part entière qui est l'essayisme antimoderne, dont le livre de Röpke est l'une des manifestations. On est à une époque où cette sociologie antimoderniste a le vent en poupe dans les milieux libéraux et conservateurs et elle alimente directement la réflexion des centres sur le totalitarisme. Les schémas totalitaristes, les analyses totalitaristes sont imprégnés par une dimension antimoderniste assez prononcée. Et toutes ces idées, tous ces auteurs circulent, et notamment les auteurs d'origine germanique. Je prendrai deux exemples. Waldemar Gourian, un intellectuel catholique allemand d'origine russe, qui émigre en Suisse après 1933 et qui publie un livre, Le bolchevisme comme danger mondial, dans lequel il établit une comparaison entre une nouvelle forme de césarisme autoritaire à la fois en Russie et en Allemagne. Autre exemple, Hermann Rauschning, j'ai oublié un N, Hermann Rauschning, l'auteur de la révolution du nihilisme, un ancien nazi en rupture de banc, qui lui aussi développe une analyse de type totalitariste, qui multiplie les conférences d'abord en Suisse, ensuite en France, en Bretagne, et qui va s'installer aux États-Unis, comme Gourian, Gourian qui s'installe aussi aux États-Unis, à l'Université Notre-Dame, catholique Notre-Dame, dans l'Indiana, où il va diriger la Review of Politics, qui est l'une des revues importantes de sciences politiques américaines à partir des années 40. Donc ces auteurs circulent, et cette sociologie antimoderniste, couplée au développement du concept de totalitarisme, est très importante et c'est un objet d'étude tout à fait important, peut-être négligé par certains intellectuels, notamment en France. Donc la sociologie de Röpke, c'est pas seulement le produit de sa socialisation universitaire allemande, c'est aussi le produit d'un certain air du temps, d'un certain zeitgeist, qui est celui que je viens de vous présenter. Troisième élément pour expliquer cette conversion de l'économiste expert en un penseur de la modernité, il faut voir dans ce discours sur la crise globale une riposte plus spécifiquement libérale aux urgences du moment. On peut voir dans l'élargissement auquel procède Röpke à partir des années 40 comme une riposte pour compenser la perte de crédibilité occasionnée à l'économie théorique par la crise de 1929. Après 1929, les discours économiques, notamment les discours économiques libéraux, ne sont plus crédibles, ne sont plus jugés crédibles. L'expertise toute puissante qu'ambitionnait Röpke et d'autres d'incarner avec la nouvelle théorie de la conjoncture, ça ne fonctionne plus. Il faut monter en généralité, il faut dépasser le stade de la seule économie, il faut se situer au niveau de l'expertise à un niveau beaucoup plus global, de manière à pouvoir concurrencer les mots d'ordre nationalistes, les mots d'ordre socialistes qui ont le vent en poupe dans les années 30. Donc, au-delà de Röpke, on peut dire que le premier néolibéralisme, dans son ensemble, peut être considéré comme le produit d'un élargissement du champ d'expertise auquel procèdent un certain nombre d'économistes, un certain nombre d'intellectuels libéraux à partir des années 30. Et on peut observer, à ce propos, que Hayek suit à peu près la même évolution que Röpke. Hayek, je vous le disais tout à l'heure, est installé à Londres à partir de 1930. Il réussit quelque temps à incarner une sorte de contrepoint à Keynes. Il apparaît comme l'opposant de Keynes, mais il tombe progressivement dans l'oubli. Il publie en 1841 The Pure Theory of Capital, un ouvrage très dense, mais qui ne connaît qu'un anonymat assez profond. Mais lui aussi a compris la leçon. Il redéploie son argumentaire à un niveau plus global, et ce sera La route de la servitude en 1944. Mais si on considère donc les deux parcours en parallèle, Röpke s'oriente vers une sociologie culturaliste, Hayek vers la philosophie politique, mais dans les deux cas, on a l'élargissement des perspectives au-delà de la seule théorie économique. Et chez ces futurs néolibéraux, ou chez ces néolibéraux en devenir, l'heure est donc à l'élaboration d'un master narrative libéral modernisé, capable de rivaliser avec les grands récits socialistes et nationalistes. Et déjà, à la fin des années 30, Louis Rougier, avec ses mystiques économiques, et puis Walter Lippmann, avec The Good Society, ils avaient proposé des analyses globales. Et donc, Röpke et Hayek ne font que poursuivre, finalement, sur la voie inaugurée par Rougier et Lippmann. Et donc, le nouveau libéralisme revendique l'ambition d'une expertise polyvalente des dérèglements du monde contemporain, ce qui veut dire que le noyau dur du discours néolibéral, la dénonciation de l'étatisme, du collectivisme, du socialisme, s'inscrit dans un méta-récit plus global qui intègre l'ensemble des dimensions d'un bilan que l'on peut faire du monde contemporain à la fin des années 30 ou début des années 40. Donc s'intègre dans un méta-récit plus global. Alors ces différents éléments, pour résumer, la sociologie du monde universitaire allemand, un certain air du temps antimoderniste dans le monde occidental et pas seulement en Allemagne, l'extension du champ d'expertise libérale qui est au fondement du néolibéralisme que je viens de vous présenter, tout cela permet d'expliquer comment le Röpke économiste expert qui nous explique que la conjoncture, les facteurs monétaires qui jouent un rôle important pour expliquer son évolution, comment tous ces facteurs permettent d'expliquer pourquoi cet économiste expert laisse la place aux penseurs de la crise. mais ça ne permet pas tous ces facteurs de comprendre pourquoi Röpke connaît un formidable succès à partir de 42. Et j'en viens maintenant à l'écho extraordinaire qu'il rencontre à partir donc du moment où il publie Les Cris de notre temps, au printemps 42. Il en vend 10 000 exemplaires tout au long de l'année. Alors, 10 000 exemplaires, on peut dire que c'est pas grand-chose, mais c'est 10 000 exemplaires à l'échelle de la Suisse-Alémanie, 3 millions d'habitants, un peu plus. Donc si on transpose les chiffres à l'échelle de la Grande-Bretagne, c'est un succès tout à fait comparable à celui rencontré par Hayek avec sa fameuse Route de la servitude. Aucun autre intellectuel en Suisse n'a connu un tel succès à cette époque-là, sauf peut-être un, qui est Gonzague de Reynold, qui est la grande figure intellectuelle de la fin des années 30. C'est notamment un intellectuel très fréquemment évoqué dans un certain nombre de groupes de pression patronaux qui se réclament de lui. C'est un penseur catholique conservateur qui vilipende la démocratie, le parlementarisme, la modernité. Et il ne faut pas sous-estimer l'ampleur de la crise de la démocratie qui prévaut en Suisse à la fin des années 30. Il y a une sorte d'ère du temps où les franges les plus conservatrices, à la fois au sein du conservatisme, comme on dit, mais au sein aussi du libéralisme suisse, se mettent à rêver d'une sorte d'au-delà autoritaire qui même permettrait de balayer le parlementarisme. Et cette attente d'un grand tournant autoritaire atteint son apogée juste après l'effondrement français, où on croit que tout est possible, parce que l'effondrement français est supposé montrer que le parlementarisme est à bout de souffle. Et donc, à l'été 40, il y a une sorte d'attente du grand soir dans un certain milieu conservateur et libéraux suisse. Et Gonzague de Reynold, eh bien, il incarne ce sentiment, cet horizon d'attente, cette option d'un au-delà conservateur anti-parlementaire, voire anti-démocratique. De Reynold a même appelé la Suisse en 40 à intégrer l'Europe allemande. Mais là, il est allé trop loin. Parce que ce que je viens de vous dire de relativiser, la Suisse est une démocratie solide, et plus largement, l'espèce de flottement que je viens de vous décrire très brièvement, consécutif à l'effondrement français, cède assez rapidement la place à un climat d'unanimité nationale, et très rapidement, ce flottement disparaît. Donc, on assiste même à un tournant à gauche, les socialistes font leur entrée en 1943, et en Suisse comme ailleurs, la sortie de guerre, ben, c'est l'aspiration à plus d'État-providence, à plus de justice sociale, donc on a une sorte de glissement à gauche. Un glissement à gauche dont la droite pas trop radicale s'accommode, mais du côté des cercles les plus anti-étatistes et du côté des cercles les plus libéraux et les plus conservateurs, eh bien, on est à la recherche, malgré tout, d'un contre-argumentaire, parce qu'on ne se satisfait pas de ce tournant à gauche. Et c'est là que surgit Röpke. Röpke qui devient la nouvelle référence pour penser la mobilisation contre le collectivisme. Et deux ou trois ans avant que Röpke n'enthousiasme les patrons américains les plus anti-étatistes, Röpke fascine les élites libérales conservatrices helvétiques. Il devient d'autant plus incontournable, Röpke, que c'est un formidable impresario de sa propre carrière. C'est un grand publiant, hein. La CERS aurait été très contente. En plus de La crise de notre temps, il ne publie pas moins de trois autres livres, hein, entre 42 et 45, que je vous ai indiqués à l'écran. Je passe rapidement et publie notamment au printemps 45 un livre qui s'appelle La question allemande, Die Deutsche Frage, qui est une sorte de bilan, pourquoi il y a eu le nazisme en Allemagne et que faut-il faire pour remettre l'Allemagne sur ses pieds. C'est un livre qui a une diffusion mondiale, en anglais, traduit en français, et en Allemagne, Röpke, juste après la guerre, devient une figure relativement importante. Il devient l'un des symboles de l'Allemagne humaniste qui n'a pas failli. C'est un intellectuel qui multiplie les articles dans les revues françaises, anglaises, américaines. Ce qui veut dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est devenu un intellectuel polyvalent. Il conserve sa légitimité de type universitaire. Il étend le champ de son expertise à l'actualité internationale la plus brûlante. Que faire de l'Allemagne? C'est le grand débat de 45-46, comme aujourd'hui, hein, quand vous luttez contre l'idéalisme, à l'époque, c'est que faire de l'Allemagne. En plus, et c'est le plus important, il devient une référence pour tous ceux qui veulent combattre le collectivisme au sortir de la guerre mondiale. C'est vrai en Suisse, et c'est pas vrai qu'en Suisse. C'est vrai aussi en Allemagne. Et on a tout jeune RFA, des élections législatives ont lieu à l'été 49, et la démocratie chrétienne, guidé par Adenauer, se prépare à mener le grand combat contre le SPD, contre la social-démocratie. Et on ne fait pas dans la dentelle, dans l'argumentaire de campagne, on oppose la liberté au socialisme et on brandit l'économie sociale de marché comme argument pour inciter les électeurs à voter pour la CDU. Et le 30 juin 1949, Adenauer en personne écrit à Röpke pour lui expliquer que la contribution des plumes défendant un ordre économique libre est fondamentale. Il veut s'assurer le concours de Röpke pour l'aider à vaincre les socialistes lors de ses premières élections. Donc, pour résumer, au lendemain de 1945, et j'en viens maintenant à mon troisième et dernier point, au lendemain de 1945, Röpke jouit d'une toute autre stature qu'à la fin des années 30. Il se trouve dans une position idéale pour jouer le premier rôle dans la fondation, plutôt dans la refondation du néolibéralisme. Juste derrière Hayek, il est la figure la plus importante de la société du Mont-Pèlerin fondée en 1947, et un activisme de tous les instants va faire de lui un combattant de la liberté, comme on dit dans les milieux favorables au néolibéralisme. Après la légitimité scientifique, après la légitimité intellectuelle, j'en viens maintenant à la légitimité militante, le stakhanovisme militant, un freedom fighter. Alors, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hayek et Röpke sont les deux têtes de file potentielles d'un mouvement néolibéral en voie de floraison. Alors, dès 1938, il y avait eu une première mobilisation au niveau international avec le colloque Walter Lippmann, sur lequel François Delors a publié des choses extrêmement significatives qui ont été ensuite reprises par d'autres. Ce colloque Walter Lippmann a débouché sur une première organisation qui a eu la malchance de naître juste avant le CIERL, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et je crois qu'il a montré que, en fait, c'est plus le déclenchement de la guerre que les faiblesses intrinsèques de cette organisation qui explique sa disparition. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de reprendre un effort qui a été tenté à la fin des années 30. Parce que si la guerre est venue interrompre cette mobilisation, elle n'a pas annulé ses motivations, au contraire, elle les a exacerbées. On veut plus que jamais combattre le collectivisme. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la Seconde Guerre mondiale, c'est un épiphénomène presque. Le fond du problème, c'est le collectivisme. Et le collectivisme, pour ces néolibéraux, c'est un tout qui va de Staline à Bévin, donc ça va du totalitarisme soviétique au travaillisme, à la britannique. Il faut donc combattre ce socialisme, ce collectivisme, qui semble avoir le vent en poupe, en Beveridge, avec les socialistes en Suisse, etc. Il faut opposer à ce collectivisme un nouveau libéralisme qui aura tiré les leçons de l'échec du laisser faire, tout en faisant la promotion d'un ordre garantissant la libre concurrence. Mais ce nouveau credo, il faut le promouvoir. C'est pourquoi l'intellectuel néolibéral, c'est d'abord un essayiste. On l'a vu, j'ai donné de multiples exemples. Il n'y a pas que Röpke, de Simons à Hayek. On a toute une série d'essais accessibles, destinés à un public relativement large. Dans cet exercice, on peut dire que Hayek et Röpke ont été les plus performants. Au-delà, les deux économistes en question, Hayek et Röpke, ont d'autres atouts à faire valoir pour prendre les commandes de la mobilisation néolibérale. Hayek est stratégiquement situé à Londres. Röpke est devenu incontournable en Europe centrale. Durant la guerre, par exemple, il n'a pas arrêté de correspondre, même si c'était plus difficile, avec ses camarades ordo-libéraux qui sont restés en Allemagne. Röpke est également très attentif à ce qui se publie en Italie, en France, il lit un peu toutes les langues, il lit un peu tout, et Röpke a tous les atouts pour jouer le rôle de passeur au sein de la nébuleuse néolibérale en voie de formation au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, et c'est un troisième point à souligner, Hayek et Röpke sont les deux à avoir les projets les plus aboutis. Hayek veut créer une société libérale, ce sera la société du Mont-Pèlerin. Röpke veut créer une revue publiée en trois langues. Les deux projets sont d'abord menés de front, et Röpke, grâce à un monsieur qui s'appelle Albert Hunold, qui est un lobbyiste issu des milieux bancaires helvétiques, Röpke réussit à rassembler des fonds pour financer sa revue. Mais cette revue, qu'il voulait baptiser Occident, le titre est significatif, ne voit pas le jour, car les deux hommes se brouillent, je passe sur les détails, donc le projet de revue tombe à l'eau, mais les fonds qui ont été rassemblés par Hunold ne disparaissent pas pour autant, ils vont servir à financer, pour une part, le fameux congrès constitutif de la société du Mont-Pèlerin. La nouvelle société rassemble donc Hayek Röpke, aussi William Rappard, que j'évoquais tout à l'heure, et des Américains, dont le jeune Milton Friedman. Dans les années 50, cette société se réunit tous les deux ans, dans le plus ou moins. Dans le même temps, on observe la naissance ou la montée en puissance de toute une série de think tanks. Par exemple, en Grande-Bretagne, le fameux Institute of Economic Affairs, qui jouera un rôle important dans les années 70, naît en 1955. Cela dit, c'est vrai que à cette époque, dans les années 50-60, on est en plein triomphe du keynésianisme. Les néolibéraux sont même très marginalisés institutionnellement, même en Allemagne de l'Ouest, il ne faut pas croire que les néolibéraux sont aux commandes partout. Dans les universités ouest-allemandes, ils sont très marginalisés, ce sont les keynésiens qui sont aux commandes. Et de manière plus générale, les politiques économiques des grands pays occidentaux, États-Unis compris, sont considérées comme beaucoup trop étatistes par les néolibéraux. Mais le travail d'organisation réalisé à ce moment-là, avec ces six tanks qui naissent ou qui commencent à se ramifier, aura des conséquences importantes, se révélera payant par la suite. Et d'ailleurs, dès les années 50, le néolibéralisme s'intéresse au tiers-monde et commence à avoir des disciples en Amérique latine, par exemple. Durant cette période que je viens de vous présenter brièvement, des lendemains de la fondation de la société de Montpellier en début des années 60, Röpke est une figure clé de cette galaxie néolibérale. Il est très lié, par exemple, en Suisse, au Schweizer Research Institute für Auslandsforschung, l'Institut suisse de recherche sur l'étranger, qui est sans doute le think tank le plus important des années 50. On fait venir, en les rémunérant de manière assez élevée, toute une série d'intervenants en provenance des États-Unis, notamment. Tous les intellectuels néolibéraux passent par Zurich et l'Institut de recherche sur l'étranger, qui est dirigé d'ailleurs par Kuhnold. En France, Röpke est aussi bien introduit dans certains milieux très libéraux ou très conservateurs, ou les deux. Il est un ami, par exemple, de René Gillouin. Il est aussi proche de milieux plus ou moins pétainistes, à la fois libéraux et dans un ancrage très conservateur. On pourrait y revenir peut-être dans la discussion. En Allemagne, Röpke est le plus médiatique des économistes ordo-libéraux. Même aux États-Unis, il a une réelle notoriété. Alors peut-être un peu moins que Hayek ou Mises qui sont installés à demeure, si j'ose dire, mais il est suffisamment connu, sa rhétorique est suffisamment percutante pour que des grands patrons lui écrivent pour lui demander conseil pour telle ou telle action de propagande. Röpke est également en relation aux États-Unis avec deux think tanks clés des milieux anti-étatistes, la Foundation for Economic Education et l'American Enterprise Institute. Je ne développe pas parce que je vois que le temps passe. Que vous dire aussi, il est présent en Amérique latine, Röpke. Par exemple, en 1958, il intègre l'Advisory Board du Centro de Difusión de la Economía Libre et il publie aussi des livres, hein, Economía y Libertad, publié par le Foro de la Libre Empresa. Il n'y a pas besoin de traduction pour comprendre quel est le milieu d'où est issue cette organisation. C'est une petite brochure qui rassemble des conférences qu'il a faites en Argentine lors d'un séjour à la fin des années 50. Et il est décidé, je cite ce que j'ai trouvé dans les archives, d'en imprimer 10 000 exemplaires destinés à distribuer stratégiquement. Alors, Röpke, c'est aussi fondamentalement un stackonomiste, des conférences, des voyages, des articles. Il publie un nombre incalculable d'articles. Mais il ne fait finalement que porter à incandescence les propriétés de l'intellectuel néolibéral. Röpke, mais aussi Hayek, Mises et d'autres jouent un rôle clé dans le dispositif de promotion néolibérale. Ils sont les grandes figures, celles qui donnent la légitimité à un discours qui est ensuite dupliqué, simplifié par les intellectuels organiques, les seconds couteaux, les lobbyistes, les journalistes, etc. Et de ce point de vue-là, la relation avec la presse sont extrêmement importantes. La presse amie s'entend. Hein. Par exemple, Röpke est très lié à Willy Brecher, le rédacteur en chef de Neue Zürcher Zeitung, le grand quotidien libéral et éthique, avec Erich Welter, le puissant rédacteur en chef de la Frankfurter Allgemeine Zeitung ouest-allemande. Il est également très lié à Henry Hazlitt, le publiciste néolibéral très influent aux États-Unis. Il est lié aussi à Pedro Beltrán Espantoso, qui est un économiste, un homme politique péruvien, qui possède un journal, la Prensa, dans lequel il publie des articles de Röpke. C'est donc un économiste d'influence qui a des réseaux un peu partout, qui est sollicité d'un peu partout. Je terminerai rapidement en évoquant deux points. Le premier point, ce sont les tensions qui existent au sein de la planète néolibérale. Il y a une crise qui s'appelle l'affaire Kuhnold. Au début des années 60, vous avez une crise au sommet de la société Montpellier. D'un côté, Hayek, Friedman et d'autres. De l'autre côté, Kuhnold, secrétaire de l'organisation, Röpke et d'autres. Ils sont en conflit. Je n'entre pas dans les détails. Cette affaire Kuhnold se termine par une défaite en race campagne de Röpke, Lungol et l'ensemble d'autres qui démissionnent de Cédric Montpellerin. Alors, cette crise est souvent vue comme le révélateur d'une influence entre d'un côté un premier néolibéralisme plutôt européen et modéré dont Röpke aurait été l'incarnation et de l'autre un ultralibéralisme à l'anglo-saxonne incarné par Hayek et Friedman. C'est Serge Audier qui va plus loin dans cette analyse. Il qualifie l'affaire Unold de grand schisme pour désigner ce qui se passe à ce moment-là. Je pense pour ma part qu'il ne faut pas exagérer cette crise au début des années 60 à la tête du Mont Pèlerin. Il ne faut pas surestimer les divergences au sein de la nébuleuse néolibérale. Alors il y a des différences, hein, on pourrait y revenir en discussion, elles sont réelles, mais ce qui fondamentalement conduit à la démission de Röpke, c'est deux choses. La première, ce sont des questions de personnes, et Röpke et Unold sont des profils, je dirais, psychologiquement problématiques qui ne les rendaient pas aptes à des fonctions organisationnelles très importantes. Donc là, il y a un vrai problème personnel. Au-delà, il y a tout simplement une crise de croissance. Cette société, au début des années 50, c'est essentiellement une affaire européenne et même, je dirais, une affaire germanique, germano-allemande. Et donc, c'est Unold qui est aux commandes, il arrive à lever des fonds. Et à la fin des années 50, vous avez des colloques qui se font en Angleterre, aux États-Unis, à Princeton 58. Et là, ce n'est pas Unold qui rassemble les fonds. Donc, ce sont des anglo-saxons, des anglais, des américains, ils se sont dépossédés. Donc là, il y a une vraie crise de croissance, au sens qu'il y a une multiplication des pôles régionaux. Et donc, on a une montée en puissance du libéralisme, néolibéralisme anglais et américain. Et donc, Unold se sent dépossédé. Après, il y a tout simplement un renouvellement de génération. Hayek et Röpke, en 1960, ils ont 60 ans. Donc, il y a une génération plus jeune qui pousse derrière, notamment Friedman, mais pas que lui. Donc, tout cela explique, à mon avis, plus fondamentalement la crise du début des années 60 que des divergences idéologiques. Alors, un dernier point maintenant, j'en ai encore pour, disons, 5 minutes. Un dernier point que j'aurais souligné, c'est que, quelle est finalement l'idéologie que promeut Röpke? Et par extension, est-ce que l'on peut essayer de caractériser l'idéologie néolibérale? Alors, un premier point, c'est que chez Röpke, mais aussi chez Hayek, et même chez d'autres, on peut aller jusqu'à dire que l'argumentaire proprement économique ne joue qu'un rôle secondaire dans l'analyse. Alors c'est un peu contre-intuitif, ce sont des économistes, quand on entend parler de néolibéralisme, on pense d'abord à l'économie, et avec raison d'ailleurs, mais et Röpke et Hayek proposent une vision de l'ordre social et politique, dont à les entendre, seule la mise en place peut garantir l'épanouissement, la réussite des réformes sur le plan plus strictement économique. Si vous n'avez pas le bon cadre politique et social, le bon cadre juridique et politique, eh ben vous pouvez faire toutes les réformes économiques que vous voulez, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas ce cadre, il n'y aura pas ce cadre. Ces néolibéraux, ce sont des producteurs d'utopie. Hein. Ce n'est pas une belle formule pour faire joli, c'est Hayek lui-même qui l'a dit en 1949. Il a appelé les néolibéraux à forger une utopie radicale pour combattre l'utopie socialiste, l'idéologie socialiste. Il y a donc une vision d'un autre monde, sous-tendue par le néolibéralisme. Comment caractériser ce meilleur des mondes voulu par le néolibéraux? Comment le situer dans le paysage des idéologies? Je dirais, pour faire vite, qu'il s'agit d'une nouvelle synthèse libérale-conservatrice. Autant libérale que conservatrice, mais autant conservatrice que libérale. Alors, suivant les néolibéraux, c'est plus ou moins libéral ou plus ou moins conservateur. Friedman est moins conservateur que Röpke. En 1957, Hayek a prononcé une conférence restée fameuse, Why I am not a conservative. Mais de fait, sa philosophie politique à Hayek, il a beau se dire ne pas être un conservateur, sa philosophie politique est fondamentalement conservatrice, voire réactionnaire. Il faut un cadre politico-juridique, un ordre politico-juridique fondé sur la règle de la loi. S'il n'y a pas cet ordre politico-juridique fondé sur la règle de la loi, c'est la porte ouverte à la démocratie dite illimitée. Il y a toutes ces dérives, dont l'une des plus importantes est l'état de providence. Je ne développe pas pour Hayek. Chez Röpke, quelle est la vision du futur promue par lui dans ses ouvrages? Bien, c'est la vision d'une société démassifiée ayant largement renoncé au mode de vie industriel et urbain. C'est une sorte de rétro-utopie faite de paysans, d'artisans, de petites villes, d'ouvriers déprolétarisés, propriétaires de leur maison et cultivant leur jardin. Cette société saine doit être protégée des effets pernicieux du cinéma et de l'art moderne, et cette société saine doit être régie par des élites naturelles, à l'opposé du pluralisme de la démocratie dite jacobine. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'après-guerre, ces analyses se font de plus en plus anti-étatistes, okay, de plus en plus anti-interventionnistes. Il ne parle plus de troisième voie à partir des années 50. Chez Röpke, on a un horizon de plus en plus libéral, on peut dire, mais cette pensée de plus en plus libérale s'inscrit dans un horizon clairement conservateur, donc dès les années 40. Alors, pour terminer, trois mots. Comment cerner le positionnement, je dirais presque politique de Röpke ? Alors, Röpke, on l'associe immédiatement à Ludwig Erhard, le père réel ou supposé du miracle économique allemand, de ce qu'on appelle le miracle économique allemand. On l'associe à Adenauer, c'est vrai qu'il a écrit des textes, de nombreux textes, pour soutenir la politique économique de la démocratie chrétienne. Mais ce serait, c'est la thèse que je défendrai aujourd'hui, tout à fait simplificateur de l'assimiler purement et simplement à une sorte d'intellectuel proche de la démocratie chrétienne. En fait, son positionnement est beaucoup plus conservateur et beaucoup plus radical. Il va critiquer à partir de la fin des années 50 de plus en plus nettement l'économie sociale de marché réellement existante. Ses sympathies politiques ne vont pas, en fait, du point de vue idéologique, du côté de la CDU, mais du côté du parti allemand, la Deutsche Partei. C'est un petit parti situé à la droite de la CDU, un petit parti clairement anti-bonnerniste, clairement conservateur. Mais pour vraiment comprendre son positionnement idéologique, il faut de nouveau traverser l'Atlantique et voir ce qui se passe du côté du nouveau conservatisme. C'est du côté des refondateurs du conservatisme américain, Russell Kirk, William Buckley, que Röpke dit trouver ses frères d'armes, ses camarades de combat. Et pour lui, le nouveau conservatisme américain, ce n'est que la variante américaine du néolibéralisme à l'européenne. Et il est très lié à ces milieux très conservateurs. Russell Kirk, qui est un admirateur de Röpke, Röpke est un admirateur de Kirk. Kirk dirige une revue qui s'appelle Modern Age, présentée, vous voyez, comme une réaction aux nombreux abus et illusions du XXe siècle contre le pouvoir illimité, l'égalitarisme monotone, les schémas totalistes grandioses, le matérialisme athée. Je terminerai, là c'est vraiment la fin, en soulignant que Röpke était viscéralement anticommuniste. C'est un beau spécimen de Cold Warrior, et c'est l'une des raisons qui l'incite à sympathiser avec ces néo-conservateurs américains, McCarthyistes et aussi virulemment anticommunistes. Cet anticommunisme le conduit à approuver, par exemple, la prise du pouvoir par les militaires au Brésil en 1964. Cet anticommunisme virulent le conduit à devenir un défenseur affiché de l'apartheid en Afrique du Sud. Et cet anticommunisme virulent le conduit également à être un supporter enthousiaste du sénateur de l'Arizona, Barry Goldwater, au début des années 60, qui sera le challenger ultra-conservateur de Johnson aux élections de 64. Il essaye de le faire venir à Genève. Le directeur de son institut refuse que Barry Goldwater lui fasse une conférence à Genève. Mais, et ce sera le mot de la fin, et Röpke et Milton Friedman sont des supporters enthousiastes de Goldwater. Ça montre bien qu'au-delà de toutes les divergences qui peuvent les opposer, ils se retrouvent derrière un certain nombre de points communs fondamentaux, notamment l'anti-étatisme et l'anti-communisme. Je vous remercie. J'espère ne pas être trop long. Merci beaucoup. Goldwater, il n'est pas super raciste. Pardon ? Goldwater, il n'est pas super raciste. Si, il était assez anti-communiste aussi. Il préconisait une stratégie de frappe nucléaire préventive contre les États communistes. Donc Johnson n'a pas eu trop de difficultés à le présenter comme un dangereux bout en guerre, ce qui a permis d'avoir sa réélection sur un fauteuil en 1964. Oui, il était aussi sur la ségrégation très ambiguë. Alors, il n'était pas ségrégationniste, mais il disait que les États ne doivent pas y avoir d'empiètement du niveau fédéral à l'échelle des États. Donc, forcément, la déségrégation, ça se fait à partir du niveau fédéral. Donc, en creux, c'est une défense de la ségrégation. Je crois que tu t'es entendu dire un jour que lui-même était très ambigu par rapport à l'apartheid. Un Röpke, il est... Alors, il fait un voyage d'études en Afrique du Sud. Parce que le gouvernement sud-africain organisait des voyages d'études, il faisait venir des tas d'intellectuels qui appartiennent tous au même réseau ultra-anticommuniste. Il y a aussi Thomas Molnar, qui est un intellectuel néoconservateur américain d'origine hongroise. Il va aussi se balader dans les colonies portugaises du cône sud. Et il revient ébloui. Il découvre un pays qui fonctionne bien. Il a écrit des articles. Il montre que... et puis l'apartheid, critiquer l'apartheid, c'est bien un discours de faux libéraux de critiquer l'apartheid, mais c'est ce qui permet de maintenir l'Afrique du Sud debout. Et il faut un instant imaginer ce que serait la chute de l'Afrique du Sud. Ce serait une catastrophe équivalente au basculement de l'Amérique latine dans son ensemble vers le communisme. Donc il y a un mélange d'une vision raciste, mais qui est très mainstream à l'époque. Hein. Les années 60, c'est vraiment un effet de seuil. Jusqu'au début des années 60, au fin des années 50, la Suisse vend des canons, des armes à l'Afrique du Sud sans que ça pose beaucoup de problèmes. Dans les textes qui ont été publiés diplomatiques suisses, on trouve au début des années 50 une notification d'un ambassadeur suisse qui explique que le problème pour la stabilité politique en Afrique du Sud, c'est pas les Noirs, ils sont trop stupides pour avoir la moindre forme de mobilisation politique, ce sont les Métis. Donc on a une lecture ultra-raciste qui est tout à fait mainstream. Et quand Röpke se fait attaquer en 1965 pour ses positions pro-Afrique du Sud, il reçoit plein de lettres de soutien de la part de nombreuses personnes. Et il reçoit aussi une lettre, ça c'est assez intéressant, de l'un dont le nom m'échappe malheureusement, le principal leader d'extrême droite des corps francs du début des années 20, qui était une personne que Röpke n'aurait jamais fréquentée au début des années 20, mais qui lui écrit pour dire qu'il a beaucoup approuvé ses prises de position sur l'Afrique du Sud et que le problème c'est que les nègres sont en train de pouvoir, que les jaunes et les nègres sont en train de prendre le pouvoir à l'ONU, il est temps de frapper du poing sur la table et de réaffirmer l'importance de la race blanche, etc. Donc on est à une période de transition, donc effectivement, Röpke est très mainstream par certains côtés, mais c'est justement le moment de basculement où c'est plus possible de tenir ce genre de discours. Et un peu de temps après, on va lui proposer de défendre la cause de la Namibie africaine du Sud. Là, il va prudemment décliner la proposition. Ah, parce qu'il est modéré. Voilà. Bon, pardon, j'ai un abusé de mon autorité. Je propose peut-être qu'on passe directement là. Je ne sais pas si tu es d'accord, François, mais là, c'est vrai. On discute après. La communication de Thibault, c'est à toi. Bien. Merci. Alors, on va parler d'une autre troisième voie, pour le coup, un peu plus tardive. Mais à cet égard, ça m'intrigue quand même, cette métaphore filée de la troisième voie qu'il abandonne plus tard, mais qui m'intéresse pour des raisons évidentes. C'est que j'ai commencé à travailler, à réfléchir sur la question de la circulation des idées néolibérales, avec beaucoup de guillemets, au sein de la gauche socialiste, et en particulier de la gauche socialiste française, à travers mon travail de thèse. Précisément sur la réception de la troisième voie britannique, donc la third way, l'expression utilisée notamment par Giddens et par quelques autres autour de Tony Blair pour désigner le nouveau travaillisme, le néo-travaillisme. Alors, dans mon intervention qui est intitulée « Du néo-social-libéralisme, une étonnante filiation », finalement mon problème, le problème à l'origine de ces réflexions, c'est finalement comment comprendre cette ère de famille assez étonnante, assez étrange entre les thèses, ou en tout cas certaines thèses des auteurs néolibéraux, et les propositions contenues dans les textes partisans ou parapartisans, donc dans des clubs, des think tanks, des fondations, autour du Parti Socialiste français, au moins pour le côté britannique, et de manière plus claire et plus assurée. Donc ça part d'un problème finalement très, très basique de source, et comment finalement comprendre cette ère de famille, ces ressemblances, en se méfiant évidemment a priori de l'idée de l'influence, etc., mais finalement comment comprendre cette circulation. Dans le cadre de cette réflexion, une première piste pour moi, ça a été de comprendre finalement comment on pouvait légitimer, justifier cette circulation à travers le détour par l'histoire. C'est pour ça que j'avais commencé à travailler dans le cadre de mon master 1 sur les travaux de Monique Cantos-Sperber, sur la notion de socialisme libéral. J'en reparlerai très rapidement, mais c'est cette idée que finalement on fabrique une tradition historique de manière largement artificielle, il faut le dire, et là-dessus les historiens français et américains ont très largement montré que les travaux de Cantos-Sperber étaient quand même celles d'une philosophe qui faisait fi de toute contextualisation, puisqu'elle arrivait à mettre dans la même tradition historique Charles Renouvier, Léon Blum, Michael Walzer, etc., etc. On a vraiment cette tradition socialiste libérale qui partirait du 19e siècle et qui arriverait jusqu'à Tony Blair, en passant par Michel Rocard, etc., etc. Donc, une première manière de justifier en France finalement la circulation des idées néolibérales, c'est ce détour par l'histoire en fabriquant une tradition socialiste libérale. Et puis une deuxième manière, c'est évidemment la référence à l'étranger, et en l'occurrence, à partir de 1994, la référence au Royaume-Uni, à Tony Blair, à ce qu'on appelle alors le New Labour, qui n'est pas le nom du parti, hein, mais simplement un slogan utilisé par l'équipe autour de Tony Blair. Alors tous ces débats-là se sont beaucoup cristallisés autour d'une formule, d'une notion, d'un label qu'on appelle social-libéralisme, qui est davantage utilisé, en tout cas en France, par les journalistes, commentateurs médiatiques en tout cas, ou par les adversaires des sociolibéraux que par les sociolibéraux eux-mêmes. À cela, c'est pas très étonnant parce que contrairement, par exemple, au Royaume-Uni, je vais parler de gens qui passent leur temps, en tout cas pour les responsables politiques, à dire nous ne sommes pas sociolibéraux. Ce qui est d'ailleurs une des difficultés méthodologiques et une des ironies de ce texte. Mais finalement, du côté de la science politique ou des sciences sociales du politique, finalement, on utilise très peu social-libéralisme. Bon, pour une première raison assez simple, c'est que c'est quand même un peu casse-gueule, tout simplement parce que c'est un objet chaud, politiquement chaud, et l'utiliser, c'est prendre le risque de rentrer dans les luttes de classement de manière assez évidente. Une autre raison, c'est qu'une partie de ceux qui s'intéressent à ces questions-là, des universitaires, mais qui surtout là, écrivent là-dessus dans des essais mi-temps, plutôt par le néolibéralisme de seconde génération, etc., pour insister sur le fait que c'est d'abord du néolibéralisme, et c'est pas parce que ce sont des gens de gauche que c'est pas du néolibéralisme. Il me semble que ça vaut le coup de prendre le risque de faire quelque chose comme un concept de social-libéralisme, c'est-à-dire d'utiliser ce terme qui est certes très largement impliqué dans les combats sémantiques et médiatiques, tout simplement parce que ce qui fait sa difficulté, à mon avis, ce qui fait son intérêt. C'est-à-dire, finalement, il me semble que cette question-là, comprendre comment des idées néolibérales sont passées dans la gauche socialiste française, est une question, à cet égard, scientifiquement intéressante. Bon, il y a une autre raison pour laquelle le social-libéralisme est peu finalement utilisé en sciences politiques ou en sciences sociales, c'est qu'il n'y a pas véritablement eu d'enquête là-dessus. Et s'il n'y a pas eu véritablement d'enquête là-dessus, c'est contrairement par exemple aux travaux sur la théorie de la justice de Mathieu Hochkorn, moi j'ai pas de grands auteurs. J'ai pas Rawls, j'ai pas Amartya Sen. Alors du côté britannique, on pourrait dire il y a toujours Anthony Giddens, mais dont les essais en fait théoriques sont relativement faibles, en tout cas contrastivement avec ces textes plus sociologiques. Si vous lisez par exemple The Third Way, c'est un petit texte, assez relativement court, dont le contenu a été largement critiqué, y compris par des gens proches de ces idées-là. Bref, je n'ai pas de grand auteur. J'ai plutôt, en tout cas du côté français, c'est très visible, des hauts fonctionnaires, des universitaires relativement peu connus, dont certains professeurs de sciences politiques dans cette institution, des experts. Il n'y a pas de grand livre intitulé « Social-libéralisme » pour un social-libéralisme. Et finalement, c'est plutôt des textes de think tank, des fondations, des formules, des lexiques. Et finalement, si je voulais chercher quelque chose comme le social-libéralisme, je le trouve plus dans les notes de la Fondation Jean Jaurès, dans la Revue Socialiste ou dans la loi Macron que dans des textes extrêmement théoriques universitaires. Alors, la difficulté, je vous l'ai dit, c'est que les responsables socialistes français ne revendiquent pas l'étiquette, à part un, qui est Jean-Marie Bockel, dont on sait le devenir politique, puisque en 2007, il a rallié Nicolas Sarkozy. Il y avait aussi Éric Besson, l'autre rallié de Nicolas Sarkozy à cette époque-là. Donc finalement, les bléristes revendiqués, les sociaux-libéraux revendiqués, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, du côté du Parti Socialiste. Alors, ce qui m'intéressait, finalement, pourquoi avoir besoin, finalement, d'un concept de social-libéralisme, pourquoi ne pas s'intéresser tout simplement au réseau, aux acteurs, c'est ce que je fais par ailleurs dans ma thèse, c'est qu'il me semble qu'au bout d'un moment, pour pouvoir à un moment objectiver la circulation de ces idées, il faut savoir juste de quoi on parle. Très, très basiquement, et donc ce que j'entends par concept de social-libéralisme, c'est un idéal type au sens weberien. Je pars des matériaux qui sont ceux que j'ai collectés dans le cadre de ma thèse et plus tard, donc matériaux discursifs pour l'essentiel, discours public, texte, notes, sténo. Donc partir de là pour essayer d'en tirer l'architecture théorique et ensuite voir en retour ce que ça me permet de voir dans cette circulation des idées. Alors, socialisme et libéralisme constituent des macroanthropes, des grosses catégories qui ne sont pas homogènes et elles recouvrent une pluralité, une multiplicité d'auteurs, d'idées, d'acceptions. Donc on peut imaginer plusieurs manières de brancher, pour utiliser une métaphore foucauldienne, certains éléments issus de ces deux mouvements courants politiques. Il y a plusieurs manières de brancher socialisme et libéralisme, il y a le libéralisme social, le social-libéralisme, donc il y a toute une tradition, une histoire des idées pour essayer de distinguer tout ça. Alors pour essayer de distinguer finalement ce que j'entends par social-libéralisme, on va d'abord aborder les éléments en présence. Qu'est-ce qui est connecté dans ces deux, pensées politiques-là? Et ensuite, on va voir comment c'est connecté. Alors dans cette première partie, donc les éléments en présence, social-démocratie et néolibéralisme. Le social-libéralisme est une forme hybride qui est née de la connexion d'éléments issus d'une partie de la pensée libérale, et je dirais même d'une partie de la pensée néolibérale. Il est très clair que c'est plutôt du côté de l'ordolibéralisme allemand, traduit lui-même par les institutions européennes sous des formes édulcorées, remaniées, avec une partie de la pensée socialiste, ou plus exactement social-démocrate. Alors une petite précision terminologique, j'utilise ici social-démocrate pour désigner un courant de pensée, sans nuancer entre travailliste, social-démocratie allemand, etc. Puisqu'on voit que depuis les années 90, il y a une vraie convergence des thèses, que ce soit au sein de la fondation Friedrich Herbert, du côté de la fondation du SPD, du côté des travaux des socialistes britanniques, enfin des travaillistes britanniques, ou du côté des socialistes français. Il y a de vraies convergences. Donc je parlais de social-démocratie pour faire simple. Alors, le social-libéralisme est un hybride qui ne contient pas forcément que ces éléments-là, pas que social-démocratie plus néolibéralisme. On voit des tentatives, par exemple, de mettre un petit peu d'écologie là-dedans. On voit du côté britannique, notamment, des tentatives d'injecter de la pensée communautarienne ou du socialisme chrétien dans ce qu'on nommera le néo-travaillisme. Bref, c'est un hybride qui contient d'autres éléments. Mais si on veut aller un peu plus loin, finalement, c'est quoi la différence entre le social-libéralisme tel qu'on peut le connaître et le libéralisme social tel qu'on l'a connu en Angleterre avec des auteurs comme Green, Bauss, ou le socialisme libéral italien de Rosselli. Il me semble qu'une manière de déconstruire ce que fait Kanto Sperber ou d'autres, c'est de montrer qu'en fait les termes sont relativement flottants. On parle parfois de libéralisme social, etc., mais que les objectifs politiques, les thèses sont relativement sensibles et indifférentes. Dans le cas de, par exemple, de Rosselli, de Carlo Rosselli, on a quand même quelque chose de l'ordre du post-capitalisme, de la critique anticapitaliste, de coopérative, donc on est assez loin du social-libéralisme. Donc c'est bien une troisième voie entre une social-démocratie dont les solutions sont jugées obsolètes au regard de la situation contemporaine, et le néolibéralisme dont on condamne l'éloge aveugle du marché, mais dont on reconnaît l'efficace. Et à cet égard, l'expression de Peter Mandelson, qui est un peu l'éminence grise de Tony Blair dans les années 90, c'est « nous sommes tous post-Thatcherien ». Il y a vraiment cette idée que nous sommes plus post-néolibéraux que simplement sociolibéraux, ou critiques les termes néolibéralisme. Alors, finalement, qu'est-ce que ces intellectuels, experts, socialistes, reprennent dans des thèses néolibérales? Alors, ça se fait progressivement, de manière graduelle. On voit que du côté du monétarisme en particulier, ça passera essentiellement par les équipes autour de Jacques Delors, ce qui n'est pas une grande surprise, notamment lorsqu'il accède à la Commission européenne, à la présidence de la Commission européenne. Le monétarisme, ça, c'est assez net, même s'il y a une critique de la BCE qui doit changer relativement ses objectifs, on a des positions extrêmement claires. Reprise également du néolibéralisme, de cette critique des médiations institutionnelles classiques, alors ça, c'est des choses assez étonnantes, critique des syndicats, critique de tout ce qui pourrait gêner finalement la relation entre l'individu et l'État ou l'individu et le marché. Il y a une vraie anthropologie individualiste dans ces discours-là. Il y a aussi une théorie de limite de l'État qui est très forte, une valorisation de la société civile. Alors il faut voir, ce qui est déjà en partie fait, faire une histoire de ce terme de société civile, qui à cet égard est un signifiant extrêmement intéressant pour voir comment les idées circulent via ces formules un peu vagues. Le social-libéralisme n'a aucun problème avec le libéralisme culturel, donc sur la question des reconnaissances des droits minorités ethniques ou sexuelles, égalité homme-femme. Là où ça diverge finalement du PS des années 70, qu'on peut résumer par oui au libéralisme politique et culturel, non au libéralisme économique, c'est la synthèse mitterrandienne, là où ça change véritablement, c'est effectivement l'abandon de toute perspective anticapitaliste, mais plus loin que ça, la valorisation des vertus du marché, plus précisément la valorisation du principe de concurrence. Donc là, on voit que la politique néolibérale, de manière extrêmement précise, apparaît. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire un passage de L'Audace, un ouvrage de Bertrand Delanoë, l'entretien avec Laurent Geoffrin, qui se programme donc socialiste et libéral, se réclamant d'un libéralisme plein et entier, car le libéralisme est d'abord une philosophie de la liberté, à la fois politique, culturelle et économique. Je cite. Ce qui est différent, ce qui est relativement nouveau, on est donc au congrès de Reims 2008, c'est au moment où Bertrand Delanoë est alors vu comme l'un des principaux prétendants finalement au poste de premier secrétaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va plus loin, puisqu'il le dit, les socialistes du XXIe siècle doivent accepter enfin pleinement le libéralisme, ils ne doivent plus tenir les termes de concurrence, de compétition pour des gros mots, même chose plus loin avec la flexibilité. Donc on voit que le principal mot-clé du nouvel esprit du capitalisme et certains mots-clés précis du néolibéralisme sont assez présents. Alors la question qui se pose, c'est finalement... parce que c'est pas tout simplement du néolibéralisme matiné, adapté au vocabulaire socialiste. Pourquoi rajouter un isme compliqué à tout ce vocabulaire-là d'histoire des idées ? La thèse derrière laquelle, ce serait que finalement on a affaire à un faux hybride, un hybride factice, un masque rhétorique. C'est des thèses qui sont soutenues notamment par des gens comme Philippe Marlière ou par Keith Dixon, qui consistent à dire que le social-libéralisme c'est juste un mot pour planquer la circulation et l'intériorisation du néolibéralisme à gauche. Alors, si on regarde les textes, et il me semble qu'il faut effectivement, et je rejoins Jean là-dessus, il me semble qu'il faut prendre au sérieux ces textes-là, non pas pour les prendre pour argent comptant, mais pour voir l'architecture qu'il y a derrière. On constate que pour les sociolibéraux, ils ne sont pas néolibéraux pour deux choses. Ils refusent le postulat néolibéral du marché autorégulé, c'est ce qu'ils disent, et ils refusent la non-intervention de l'État. Donc si je résume la thèse, c'est que le social-libéralisme ne serait pas un néolibéralisme honteux, caché, car il est favorable à l'intervention de l'État et il est favorable à la limitation du marché. Ce qui est très intéressant, c'est que le néolibéralisme dont il est fait mention est très largement fictif. Ou plus exactement, on peut trouver des auteurs néolibéraux, on l'a vu notamment avec Robke ou d'autres, qui sont pour, non pas un retrait de l'État, mais une nouvelle forme d'intervention de l'État. Tout comme il y a une politique sociale néolibérale qui évidemment prend pas la forme d'une lutte pour la réduction des inégalités mais simplement pour éviter que les pauvres sortent tellement du marché qu'on nous refait la crise de 29. Alors à cet égard je reprends très largement sans doute peut-être trop en fait finalement une approche du néolibéralisme via Foucault, c'est-à-dire que l'idée qui m'intéresse c'est ce n'est pas une simple réactivation des vieilles théories libérales du 19e siècle. Il y a bien une gouvernementalité à part, fondamentalement distincte de la gouvernementalité libérale classique. Il y a un interventionnisme, voire si on suit les travaux de Wendy Brown, un étatisme néolibéral. Un étatisme néolibéral qui consiste à investir l'État pour contrôler et orienter le comportement des individus, pour faire d'eux les homo economicus qui ne sont pas naturels. Cet interventionnisme, cet étatisme néolibéral, c'est une idée qui m'intéresse particulièrement parce qu'on voit notamment, alors chez Tony Blair, les politiques publiques qui sont menées outre-Atlantique sont extrêmement visibles, c'est qu'il y a notamment les réformes des job centers, du pôle emploi, pour résumer, il y a cette idée d'incitation des incitations pour que les chômeurs deviennent enfin des entrepreneurs d'eux-mêmes. Et puis cette deuxième idée fausse, ce deuxième cache-nez néolibéral, ce sera l'idée que le néolibéralisme, il n'y a pas de politique sociale. Or, on trouve dans toute une série de textes néolibéraux cette idée qu'il faut aider minimalement les plus pauvres, non pas, encore une fois, pour réduire l'inégalité, mais pour faire fonctionner l'égale inégalité au fondement de la concurrence. Cette idée qu'il faut que tout le monde réinvestisse et soit sur le marché pour pouvoir faire fonctionner le marché. À cet égard... la conclusion logique, ce serait de dire, donc finalement, le néolibéralisme dont il nous parle est un néolibéralisme fictif, ce sont bien des néolibéraux. Il me semble qu'on peut quand même nuancer ce propos et dire qu'il y a quelque chose comme une spécificité idéologique du néolibéralisme, notamment autour de la question de l'égalité. Chez les sociolibéraux, il y a cette idée de l'égalité, donc non pas l'égalité de résultat, comme dans la théorie social-démocrate classique, mais comme égalité des chances. L'égalité des chances étant conçue à ce moment-là, pas simplement comme la possibilité que les plus pauvres réinvestissent le marché, mais que tout le monde ait sa chance dès le départ. Donc c'est investissement massif dans l'éducation et dans la formation, c'est investissement aussi avec toute une série d'expérimentations sociales donc, qui n'existe pas en France. Par exemple, c'est les tentatives des gouvernements travaillistes en Grande-Bretagne de réduire les inégalités de patrimoine en donnant à chaque bébé qui naît tant de revenus et ça se développerait sur un compte en banque. Donc il y a des tentatives de réduire, de réaliser l'égalité des chances à travers des expérimentations en ce sens-là. Donc il me semble qu'il y a une différence notable entre social-libéralisme et néolibéralisme sur le fait que la politique sociale, ce n'est pas simplement un moyen de soutenir le marché, c'est aussi un moyen de promouvoir l'égalité des chances. Alors, je passe rapidement là-dessus, mais finalement, les sociolibéraux partent d'un constat considérant qu'il est plus possible de compenser la pauvreté, on va dire, en aval, par la redistribution, parce que ça coûte trop cher, à cause de la mondialisation, parce qu'on n'a plus les outils pour. Donc il y a cette idée qu'on va essayer d'empêcher l'apparition de la pauvreté en amont. Alors on voit apparaître toute une série de signifiants du type état social actif, état social préventif. À cet égard, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà dans les textes de Rosan Vallon de début des années 90 et l'émergence de cette idée-là en France. Donc c'est, concrètement, ça veut dire quoi? C'est la mise en place de systèmes d'éducation et de formation professionnelle, des systèmes de santé et la fameuse flexi-sécurité qu'on nous dit importer des pays nordiques ou du Danemark, mais qui existe déjà dans des textes français ou britanniques à cette époque-là. Dominique Strauss-Kahn est sans doute le responsable politique qui va s'essayer le plus à théoriser quelque chose comme une égalité des chances, comme un état social préventif, notamment au moment du congrès du Mans, pardon, de 2003. Et donc il va appeler ça la social-démocratie moderne. Pardonnez-moi, j'y vais forcément un peu à la hache. Si on résume et on ramasse un peu tout ça, cette analyse aboutit, à mon sens, à deux résultats significatifs. D'une part, le social-libéralisme est bien un post-socialisme. Il y a bien un abandon de la volonté de transformation, de régulation du capitalisme. C'est simplement l'idée de donner aux individus les moyens de s'y adapter. D'autre part, si l'on partage la plupart des présupposés, il me semble que le social-libéralisme s'avère idéologiquement irréductible au néolibéralisme. C'est pas la même chose, même si encore une fois on voit la circulation de ces thèses-là. Voilà donc pour finalement les éléments en présence. Reste à penser maintenant le social-libéralisme comme connexion, c'est-à-dire c'est pas simplement un peu de socialisme et un peu de néolibéralisme et on mélange tout ça, mais à quelle fonction ça répond, à quel problème ça répond. Il y a cette idée que le social-libéralisme c'est rénover le socialisme en puisant dans le libéralisme. Alors, au fondement du social-libéralisme, on trouve deux postulats. D'une part, il y a cette idée que le libéralisme, alors ici au sens le plus large, constituerait, pour paraphraser Sartre, l'horizon indépassable de notre temps. Il ne saurait y avoir par conséquent d'avenir pour le socialisme que s'il se fait libéral. À cet égard, les textes les plus clairs et les plus revendiqués là-dessus sont les textes de Marcel Gauchet dans le débat. Il y a plusieurs articles, si ça vous intéresse, je vous enverrai les références, vous avez... J'espère eu l'article qui vous permet de parler de ça, de voir ça. Donc les sociolibéraux finalement considèrent comme un horizon indépassable non seulement le capitalisme, comme mode de production, le cadre politique de la démocratie libérale, mais aussi, et c'est là le point de rupture avec la social-démocratie, le libéralisme économique. Entendu cette fois comme discours, mode de gestion et d'allocation des richesses produites. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe très rapidement dans le discours social-libéral de « c'est un horizon indépassable, donc un pis-aller, il faut faire avec », à l'idée que c'est une solution à la crise du socialisme. Et finalement, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce passage-là. Alors, l'adoption des recettes néolibérales par les sociodémocrates doit permettre, selon les sociolibéraux, d'adapter les sociétés aux nouvelles caractéristiques du monde contemporain. Donc on a toute une série de réflexions entre des gens qui étaient plutôt des libéraux de droite, notamment autour de la revue Commentaire, et des gens qui étaient plutôt proches, on va dire, de la deuxième gauche, même si j'aime guère cette expression, en gros qui étaient dans les clubs rocardiens dans les années 90 convaincre, des gens qui étaient dans les revues rocardiennes comme Intervention ou Faire. Et il y a eu une alliance entre les libéraux de centre-droit, disons, et ces socialistes-là, jusqu'à la Fondation Saint-Simon, jusqu'à 1995. À partir de 1995, il va y avoir un éclatement de ces réseaux-là, les libéraux de centre-droit allant d'un côté, et c'est ce qui va devenir les sociolibéraux allant de l'autre. Pour une raison simple, c'est que pour toute une partie des libéraux de centre droit, ce n'est pas une bonne chose que socialistes et libéraux soient confondus. Il faut assumer les différences intellectuelles et sociologiques, et il faut éviter ces confusions-là. Par ailleurs, on voit une réorientation, notamment, je reparle rapidement de... donc il y a la mort de François Furet qui va changer beaucoup de choses pour la Fondation Saint-Simon, il y a les grèves de 95 qui vont faire prendre conscience, notamment il y a un texte de Marcel Gaucher qui est très intéressant qui dit finalement on a cru qu'on s'était débarrassé du socialisme jacobin, de la passion égalitaire, et 95 nous a fait une piqûre de rappel, il va falloir réactiver le combat politique autrement. Du côté de Pierre Rosanvallon, il y a l'idée que finalement, à partir de 1995, la Fondation Saint-Simon disparaissant, mais elle est déjà très largement morte en 95, mais disparaissant en 99, il va falloir trouver un autre modèle, une autre mode d'intervention, et ce sera la République des idées. Donc il y a cette idée qu'il va falloir trouver quelque chose comme une voie spécifiquement de gauche, qui reprenne des éléments au libéralisme et qui sont distincts pour autant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que entre eux, ils sont évidemment pas d'accord, et que finalement, il y a deux grandes manières d'être social-libéral, deux grandes manières de connecter socialisme et libéralisme. Il y a ce que j'appelle le libéralisme socialisé et le socialisme libéralisé. Le libéralisme socialisé, à mon avis, est parfaitement incarné par les travaux de Monique Cantos-Sperber. Donc, pour résumer, elle est spécialiste d'éthique et de philosophie antique à l'origine, et elle a publié deux essais, donc qui s'appellent « Le socialisme libéral et les règles de la liberté ». Deux essais dans lesquels elle propose une réinterprétation de l'histoire des relations entre socialisme et libéralisme. Donc ce sont deux essais qui sont publiés en 2003. Alors sa réflexion se veut d'abord un constat que l'on peut résumer en deux propositions. D'un côté, le socialisme, au fil de son histoire, se serait libéralisé. Le socialisme aurait repris les idées authentiquement libérales, je cite, six idées libérales en l'occurrence, le réalisme et le refus de l'utopie sociale, la défense de la liberté individuelle, le pluralisme social, la reconnaissance du rôle du marché, la valeur des règles et le choix de la réforme et du consensus. Donc, il y aurait une libéralisation du socialisme. De l'autre côté, il y aurait une socialisation progressive des idées libérales, c'est-à-dire que les idées libérales auraient pris une coloration sociale. Donc, il y aurait une réduction des oppositions entre ces deux traditions-là. Alors, parmi les responsables socialistes, c'est Jean-Marie Brockel qui va se revendiquer de cette tradition libérale socialiste. On va trouver notamment aussi les travaux de Thierry Lothaire, de Nicolas Tenzer ou de Daniel Binati qui vont dans ce sens-là. Tous se retrouvent autour de l'identification du libéralisme à la philosophie de la liberté. Ce qui permet par exemple Thierry Lothaire d'affirmer que, je cite, « la France, parce qu'elle est une démocratie libérale, ne peut éviter de considérer la liberté comme l'un de ses fondements naturels. » Et là, j'attire votre attention. De ce fait, une gauche gouvernante à ce point rebelle au libéralisme met en cause notre existence démocratique. Ce qui a quelques relents, je trouve, avec nos discussions sur Röpke, c'est qu'on voit que quand la gauche est à ce point, selon lui, rétive au libéralisme, ça remet en cause ce qu'il appelle, lui, la démocratie. Une autre manière d'être social-libéral se définit davantage comme un socialisme libéralisé, et là-dessus, c'est Marcel Gaucher qui en donne la formulation, on va dire, la plus pure. Il dit finalement le socialisme constitue bien une pensée politique spécifique, à part. Et donc, s'il y a socialisme libéral, c'est non pas la revendication du libéralisme comme pensée politique, mais l'acceptation du libéralisme comme fait social. On retrouve cette idée que c'est l'horizon indépassable de notre temps. S'il se libéralise, c'est parce que le socialiste doit accepter le monde politique, être démocratie libérale, le monde économique, le capitalisme libéral. Autre penseur du social-libéralisme, Zaki Laïdi ou Gérard Grimbert considèrent que le social-libéralisme ne serait rien d'autre que le fait de se dire socialiste au sein d'une société culturellement libérale. Donc on voit bien qu'il y a des divergences sur l'interprétation historique ou sur l'analyse idéologique des rapports entre libéralisme et socialisme. Donc malgré tout, il me semble qu'on peut parler du social-libéralisme parce qu'ils se rejoignent pour l'essentiel sur les thèses. Surtout, j'ai relevé une ambiguïté de la position des sociaux-libéraux du second type. Ils prétendent rejeter le libéralisme doctrinal et accepter le libéralisme comme fait social. Sauf que, il me semble que cette distinction se heurte à un problème. S'ils acceptent non seulement le capitalisme mais le libéralisme, on se réfère non plus seulement à un fait social mais bien à une idéologie, à un isme. Il renvoie à un phénomène beaucoup plus hybride dont la composante idéologique et la composante pratique, c'est beaucoup plus difficile à discriminer. Et à cet égard, il me semble que c'est dans l'article publié dans Telos, donc Telos qui est une agence intellectuelle qui a été fondée entre l'intervention intellectuelle et le mode journalistique. Je vous invite à regarder, c'est sur Internet, tout est en accès libre. Et donc Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques, écrit à propos donc de Bertrand Delanoë. Il nous dit « Le libéralisme économique est une donnée du monde dans laquelle nous vivons, certainement pas un objet doctrinal. » Bon, le libéralisme est un fait social, ce n'est pas une doctrine. Très bien. De l'autre, il salue le fait que le maire de Paris alors, donc Bertrand Delanoë, assume, dans la partie de son livre intitulée « Ma gauche », la plus intéressante du point de vue doctrinal, un libéralisme plein et entier cohérent. Donc on voit cette ambiguïté entre, finalement, certes, on se revendique du libéralisme que en tant que fait social, et en même temps, on revendique un libéralisme plein et entier. Alors, au terme de l'analyse, on connaît un peu mieux les éléments en présence dans l'hybride social-libéral, social-démocratie, néolibéralisme. Ça le distingue du libéralisme social anglais, du socialisme libéral à l'italienne, etc. Il me semble que le deuxième élément important, c'est notre fonction, à mon avis, du concept de social-libéralisme, c'est que si ça ne se réduit pas au néolibéralisme, si ce n'est pas simplement un néolibéralisme de deuxième génération, c'est aussi pour une raison très politique. À mon avis, le concept de social-libéralisme a l'avantage de mettre l'accent sur le caractère hybride de cette gauche. Or, la principale remarque qui m'est faite, y compris avec des collègues, qui me dit « mais je ne vois pas ce qu'il y a de social dans social-libéralisme. Il suffit de regarder les politiques publiques, il n'y a rien de social, etc. ou simplement quelques miettes. » Il me semble en fait que précisément le fait qu'il y ait une dominante néolibérale et une version, une dimension social-démocrate très limitée, est précisément ce qui permet aux idées néolibérales de mieux se diffuser de manière hégémonique. Alors je vous donne des exemples très concrets. Le compte pénibilité, par exemple. Donc mise en place de la loi Macron, toute une série de thèses, postulats néolibéraux extrêmement purs, déréglementation des professions réglementées, lutte contre la rente, etc., politique de la concurrence. En échange, on va donner quand même quelques gages sociaux qui ne sont pas simplement de la gestion politique, mais qui permettent très largement de désarmer une partie de la critique, notamment syndicale. La CFDT a le compte pénibilité, donc on signe. Le social-libéralisme est bien un concept qui permet de penser comment la gauche peut réaliser des politiques publiques que la droite n'oserait pas faire. Précisément parce qu'il y a cette petite partie sociale. Elle est peut-être mineure, on peut peut-être la dire c'est pas assez, mais c'est pas la question. La question c'est l'efficacité du social-libéralisme comme opérateur de l'hégémonie néolibérale. À cet égard, je rejoins très largement les travaux de, enfin les réflexions de Stuart Hall, pour qui le New Labour, donc le parti travailliste britannique, s'inscrit dans la continuité du thatchérisme, mais lui importe une inflexion significative. Parce que la dominante néolibérale ne peut se réaliser parce qu'il y a une orientation social-démocrate, même si elle est subordonnée, même si elle est minime. C'est un hybride asymétrique. Et à cet égard, je reprends cette idée que le social-libéralisme est bien un hybride asymétrique. La dominante néolibérale est réelle, mais c'est parce qu'il y a cette dimension sociale du néo-travaillisme chez Hall qui est constamment transformée au service de sa dimension néolibérale. Ça engendre confusion et division des forces qui lui sont opposées. Ça permet aussi à toute une partie des soutiens traditionnels des partis sociaux-démocrates de finalement glisser vers la droite. Donc il me semble que le concept de social-libéralisme nous permet de mieux comprendre certains discours, nous permet de mieux comprendre aussi certaines politiques publiques. Par exemple, au hasard, la loi El Khomri. Ça nous permet de comprendre l'efficacité politique de certaines idées. Enfin, j'aimerais finir en précisant quelque peu, finalement, la démarche qu'est la mienne ici. J'ai évidemment présenté qu'une partie de l'enquête, une partie qui est finalement très analyse interne des textes. Que j'assume complètement dans la mesure où, par ailleurs, je fais une analyse de leur contexte de production, de circulation et de réception. Il me semble que ce que je vous dis là n'a pas grand intérêt si, en amont, on n'étudie pas les parcours biographiques, effectivement, de ces sociolibéraux. À cet égard, je crois que ce qui est déterminant, ce n'est pas le fait qu'il y ait de plus en plus d'énarques parmi ces intellectuels-là, c'est le fait qu'ils n'ont pas de socialisation militante avant leur socialisation secondaire à l'ENA. Ça, c'est un élément extrêmement déterminant qui a été notamment mis en avant par les travaux de Rémi Lefebvre et Frédéric Savicky. transformation aussi des réseaux d'interconnaissance. Ce sont des réseaux qui sont actifs depuis un moment. Ce qui est différent, c'est que toute une partie des réseaux socialistes militants ailleurs se sont largement étiolés. Donc si ce discours a pu prendre à partir des années 90 au sein du Parti Socialiste, c'est parce que d'autres réseaux se sont largement distanciés, ont disparu. Donc étude des parcours biographiques, étude des réseaux d'interconnaissance, et étude des positions qu'ils occupent effectivement dans leur champ d'appartenance respectif. Et puis en aval, il me semble que cette étude doit être complétée, et c'est ce que je fais davantage en ce moment, par l'analyse des politiques publiques sociales-libérales. Notamment, ce qui est très intéressant, c'est que là, pour le coup, il me semble que mon hypothèse d'un hybride asymétrique fonctionne très bien. On voit que systématiquement, dans la loi Macron, dans la loi El Khomri, dans toute la mise en place de ces politiques publiques-là, il y a toujours une dominante néolibérale et des restes, des éléments sociodémocrates. On le voit notamment avec le pacte de responsabilité, il y a de la négociation, etc., etc. Donc, au final, c'est bien un concept comme idéal type, partir de ce terrain-là, qui était celui de ma thèse, essayer de faire quelque chose comme un concept qui me permet d'y voir clair, et retourner à cet égard ensuite sur le terrain, et pas simplement s'intéresser au discours. Bon, je vais m'arrêter là pour laisser place à la discussion. Merci. Merci beaucoup, Thibault. Et François, c'est à toi. Merci beaucoup. En vous écoutant, je me suis rendu compte que pas mal des questions que je voulais vous poser ont déjà été solutionnées, donc je vais peut-être pas vous dire exactement ce que je voulais faire au-delà. En tout cas, en vous écoutant aussi, il me semble qu'une des choses auxquelles on est confronté ici, sur une des difficultés essentielles de l'histoire des idées, c'est qu'à considérer deux textes hors de leur contexte, on pourrait les juger parfaitement semblables, alors qu'ils ne le sont pas. Je suis en tête un texte d'un économiste, on ne dit pas son nom ni l'année, etc., qui expliquait le principal, le cœur, c'est la concurrence, c'est le mécanisme des prix. Mais l'intervention de l'État, elle peut pleinement se faire en deçà et au-delà. En deçà pourquoi ? Pour créer le cadre légal, le système qui permettra à la concurrence de fonctionner. Au-delà pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours des accidents de l'existence, des chômeurs, des blessés, etc. Bon, si je sors cette phrase-là, est-elle social-libérale ou néolibérale ? En tout cas, elle est publiée par quelqu'un qui s'appelle Louis Baudin, en 1940, et c'est lors d'une conférence qui est faite à Lisbonne, dans le cadre du salazarisme. Donc, on voit bien ici toute la difficulté qu'on peut avoir à comparer des textes hors leur contexte, et l'exercice que je dois faire ici, c'est de comparer des périodes très différentes avec des corpus doctrinaires très différents. Alors, il me semble que, malgré tout, je vais essayer de souligner des points communs entre les textes, puis après, je serai obligé de vous poser des questions qui sont assez distinctes tous les deux. Ce qui est en commun, me semble-t-il, c'est l'idée de prendre l'idée de l'histoire du néolibéralisme au sérieux. Au sérieux, ça veut dire en essayant de le considérer de manière historique, en le prenant avec des pincettes, en essayant de le suivre dans des archives et en essayant de le réinscrire dans une chronologie. Et c'est évidemment le fait que vos chronologies soient très différentes qui fait qu'on joue avec des objets qui sont très différents. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre ce terme avec des pincettes ? Parce que je pense que dans le vocabulaire politique contemporain, il a un statut très particulier. D'abord, ça a été souligné tout à l'heure, quand on emploie le terme, on se voit très souvent exposé au fait qu'on peut nous dire qu'on utilise un qualificatif politique et un qualificatif politique qui a plutôt un sens en général négatif. À ça, je pense que même quand on a un public qui est bien disposé, s'ajoute une deuxième difficulté, c'est qu'il y a un aspect un peu performatif dans le néolibéralisme, en tout cas méta-explicatif. En gros, par néolibéralisme, on peut entendre tout ce qui s'est passé comme transformation économique et sociale dans les 40 dernières années. Et derrière le même terme, on peut mettre des privatisations, des réglementations, des déclin de l'État-providence, etc. Donc il me semble que c'est un concept qui est difficile à manier parce qu'il est potentiellement attrape-tout. Alors attrape-tout comment ? D'abord parce que ça peut être quelque chose qui sert à décrire un processus, et dans ce cas-là, un processus qui pourrait s'étendre sur un assez long terme. C'est par exemple ce que fait le géographe David Harvey, quand il parle dans sa brève histoire du néolibéralisme, il parle d'une néolibéralisation du monde. Pour lui, la néolibéralisation, c'est un processus qui court sur 40, 50 ans et dont on ne voit pas forcément la fin. Deuxième difficulté dans cet usage, bon, c'est comme on l'a dit, c'est un terme qui s'est beaucoup répandu avec la critique de la mondialisation, ce qui fait que c'est un terme qui est très associé au mouvement altermondialiste. Bon, ici, le terme néolibéralisme tel qu'il a été employé, c'est beaucoup plus pour faire référence à un courant doctrinal, et donc il a été envisagé plutôt sous deux aspects différents, on va dire avec Jean, plutôt le côté des gens qui ont construit le néolibéralisme, avec des organisations qui s'en revendiquaient, peut-être pas toutes, mais certains s'en revendiquaient, Dans la deuxième contribution, celle de Thibault, la question est plus de savoir qu'est-ce qui reste d'héritage de ces idées dans des formations contemporaines, sans qu'on puisse directement faire de lien entre ces deux réalités. En tout cas, si on devait trouver un point commun théorique ou doctrinal, on pourrait dire que le néolibéralisme qui est en débat ici, c'est un néolibéralisme qui est une forme d'interventionnisme étatique, mais une forme d'interventionnisme étatique qui prend appui sur la puissance publique et sur le droit pour instituer les sociétés de marché et les protéger. A minima, c'est de ce néolibéralisme-là dont vous parlez tous les deux. Quand on regarde les travaux qui sont classiquement consacrés au néolibéralisme, le plus souvent, ils partent de cette définition des années 30 et puis après exposent la manière dont se construit progressivement un mouvement international, dont on traite essentiellement des relais anglo-saxons, ce qui va donner Thatcher, ce qui va donner Reagan, etc. Bon, admettons que si on restreint le néolibéralisme à un corpus doctrinal, à quelques organisations, on puisse s'en sortir facilement. En fait, c'est pas si simple. Même si on s'en tenait là, je verrais 5-6 difficultés qui s'enchaînent très vite. D'abord, on aurait les néolibéraux autoproclamés, donc une famille politique, et on pourrait se dire, faire l'histoire du néolibéralisme, c'est suivre des réseaux, des organisations, donc une réalité militante. Selon par exemple tout à l'heure, on pourrait choisir un club, une organisation, et puis dérouler le fil. En même temps, quand on parle de néolibéralisme, on peut aussi se dire, oui, mais tout le monde n'accepte pas le terme, tout le monde n'a pas la même définition. Donc ce qu'on pourrait substituer au néolibéralisme, c'est un espace de discussion et d'opposition doctrinale, avec des individus qui en font partie et qui, si ça se trouve, ne s'y situent même pas eux-mêmes volontairement. Ce serait un univers de référence, avec des contradictions internes potentielles. Troisième manière d'envisager la chose, on pourrait dire, oui, mais le néolibéralisme, c'est aussi une vulgate, c'est un discours qui circule. Et dans ce cas-là, ben, on peut l'étudier à travers ses relais, la presse, les partis, mais on peut aussi l'utiliser, l'étudier dans l'arène politique, dans les arènes gouvernementales. Et à partir de ce moment-là, ben, on pourrait privilégier des lieux qui, imaginons le commissariat général au plan, à une certaine époque, qui vont retraduire ces discours, les reformater, leur donner un nouveau style, etc. Quatrième difficulté, toujours si on voulait continuer, même avec cette façon de voir qui passerait simple, le néolibéralisme, c'est une réalité locale, nationale et internationale. Bon, là, Thibault n'a pas eu trop l'occasion d'en parler, donc d'autres travaux, il parle de la circulation du blairisme, et quant à la trajectoire de Rocker, on en a tout à l'heure, on voit que c'est une grande trajectoire internationale de quelqu'un qui a circulé toute sa carrière. Puis, dernière difficulté qui s'ajoute à ça, et qui est particulière, je pense, à l'histoire des idées, c'est que en matière d'idées, la propriété intellectuelle est quelque chose qui est difficile à définir. On ne dépose pas ses idées, elles ne nous appartiennent pas, elles peuvent circuler sans qu'on en ait envie, et elles peuvent même triompher sans qu'on puisse fructifier quelque chose sur ses réussites. Donc les idées échappent à leurs auteurs. Alors si on simplifiait, et ça serait vraiment très simplifié, on dirait aujourd'hui, avec nos contributions, on était au debout, aux deux extrémités de la chaîne. Mais ça serait déjà une simplification. C'est-à-dire qu'avec Jean, on aurait un univers intellectuel qui, au bas mot, est bicéphale, puisqu'on a Hayek, l'autre Rodker. Et puis, avec Thibault, on arrive à un univers qu'il décrit comme acéphale. Là, on n'a plus d'intellectuels attitrés, etc. On a des idées qui circulent et un univers où il ne s'agit pas de savoir qui sont les prophètes intellectuels attitrés d'une idée, mais quels vont être ceux qui peuvent les transformer en solutions politiques pratiques. Donc d'un côté, on pourrait imaginer ça comme ça, mais en réalité, même la métaphore de la chaîne, on voit qu'elle ne fonctionne pas très bien, parce que les liens qu'on pourrait tisser entre ces deux univers, c'est des liens qui ont à voir avec des affinités idéologiques, mais que l'on reconstruit a posteriori. Ça serait des relations objectives entre idées, des rapports d'analogie, d'homologie, mais en aucun cas des liens directs avec des organisations, des filiations, à part évidemment que j'aurais imaginé quelques exceptions qui existent dans l'histoire, tel Ordo Libéral qui aurait été membre du SPD, bon, enfin il y en a un historiquement, enfin bref, on peut toujours imaginer quelques minorités. Donc, forcément, les points de comparaison que j'ai pu trouver entre les deux sont assez limités. Alors, le premier que je voulais souligner, bon, c'est ce que j'avais déjà un peu dit, c'est l'aspect fortement internationalisé du phénomène. Je pense que quand on voit la carrière de Röpke, si on résume ce qu'on a entendu tout à l'heure, de l'Allemagne à la Turquie en passant par la Suisse, C'est quelqu'un qui est d'emblée un expert international dans le cadre de la SDN et des organismes qui gravitent autour. C'est quelqu'un qui va aller aux États-Unis, qui va faire l'expert en Afrique du Sud, enfin, etc. Et c'est presque le prototype d'un intellectuel cosmopolite qui est même extrêmement méfiant, je crois, vis-à-vis de la question du nationalisme. C'est quelqu'un qui parle énormément de langues, qui se définit vraiment dans une société internationale. Dans les travaux de Thibault, qu'on ne voyait pas forcément dans son exposé d'aujourd'hui, on voit aussi que le blairisme s'exporte grâce à des gens. Je pense à Denis McShane, dont tu parles dans tes travaux, qui est un syndicaliste, qui va étudier, qui va venir participer à des forums en France, des congrès. Et puis on va aussi trouver des think tanks qui font un lien entre vraiment tout ce qui est autour de Peter Mandelson. Donc je pense que une des choses importante dans l'histoire du néolibéralisme, c'est que d'emblée, c'est un type d'idéologie, même si le terme n'est pas forcément clair, qui s'est construit dans un cadre international et pas dans un cadre local, ce qui va lui donner des traits assez spécifiques. Alors, dans les deux cas, vous aurez vu le terme qui revient pour définir cette idéologie, le schéma qu'ont repris les gens, c'est celui de la troisième voie. Alors, la troisième voie, pour tous les historiens, on sait que c'est quelque chose de très largement galvaudé dans l'histoire intellectuelle. Dans l'entre-deux-guerres, les non-conformistes prenaient tous la troisième voie. Le fascisme a régulièrement prôné la troisième voie, le gaullisme la troisième voie, les formes de nationalisme de manière générale, la troisième voie. Et puis, quand on regarde la troisième voie, en revanche, elle a une spécificité dans l'histoire intellectuelle, c'est que rarement on coupe la poire en deux. La troisième voie, c'est rarement le tiers chemin, ça penche toujours d'un côté plus que l'autre. Si on prend Röpke, il rejette le collectivisme et puis le libéralisme plus traditionnalisme. Bon, pourtant, il ne travaille pas beaucoup avec les collectivistes. Sa troisième voie, elle penche quand même davantage dans le camp libéral. De même, le social-libéralisme, tu le soulignes tout à l'heure, tu l'as rappelé, c'est un hybride asymétrique. La composante libérale est quand même supérieure à la composante social-démocrate. Donc, il me semble qu'une des choses intéressantes, c'est que ces mouvements de troisième voie, quand ils émergent, ce n'est pas forcément une forme de cynisme intellectuel, ils émergent dans des moments de crise. Et c'est parce qu'ils émergent dans les moments de crise qu'ils entendent s'opposer à deux termes pour reconstruire. Mais en général, ce qu'on voit dans l'histoire que vous racontez, c'est des formes de fusionnisme. D'ailleurs, même le terme de fusionniste, je crois, est utilisé par les conservateurs américains qui veulent être des libéraux nationaux. Donc vraiment, l'idée, c'est de fusionner. Et on a le sentiment aussi, d'une certaine manière, ce à quoi aspirent les partisans français de la troisième voie, c'est une fusion. C'est fusionner deux idéaux ensemble. Alors, cette fusion, on voit, elle peut donner lieu à des produits qui sont idéologiquement très distincts. Quand on voit Röpke, on arrive à une fusion qui est radicale conservatrice. Je ne sais pas où mènerait la troisième voie. C'est peut-être un mouvement trop jeune pour voir quel type d'évolution ça pourrait donner. En tout cas, il me semble que c'est une manière de construire une troisième voie, puis d'agganer, puis de fusionner, montre que ce qu'on peut regroupé dans l'univers du néolibéralisme, c'est quand même des produits idéologiques qui sont assez instables, et donc des produits idéologiques dont il faut toujours rappeler qu'ils se construisent contre, et que ce qui fait la solidarité des individus qui s'y engagent, c'est l'adversité. C'est-à-dire le bon pèlerin, comme on s'est rappelé tout à l'heure, oui, il y a des crises internes, il y a des tensions, etc., mais enfin, on a un ennemi qui s'appelle le socialisme, le collectivisme, et éventuellement l'interventionnisme étatique. Donc, malgré tout, on est dans des mouvements où tenir l'ennemi à distance et un élément d'identité centrale. Et je me demande, du coup, pour la troisième voie, qu'est-ce que c'est que l'ennemi à tenir à distance, puisqu'ils n'ont pas une gauche radicale si effrayante et puissante d'un côté, et donc ce sera intéressant de trouver leur gestion de l'ennemi. Dernière chose qui me semblait intéressante, c'est à chaque fois la manière dont ces idéologies engagent un rapport à l'État. On rappelait dès le départ que dans le néolibéralisme, c'est pas le laisser-faire, c'est pas l'absence d'État, etc. Mais ce qui reste toujours en question, admettons qu'ici on a un interventionnisme étatique réduit, la pension proposée, c'est réduit pour faire quoi? C'est-à-dire que vraiment, dans la vision libérale conservatrice, on a l'idée qu'il est réduit pour des tâches régaliennes, qu'il est réduit pour être un état de police, police pour les hommes, mais aussi police pour les marchés, et qui permet une sorte de permanence de l'ordre social. Dans la version sociale libérale qu'on avait tout à l'heure, Une des choses qui diffère beaucoup de ce que pensent les néolibéraux traditionnels, entre guillemets, c'est le rapport à la liberté et à l'égalité surtout. Et donc l'État, là, devient un instrument pour construire des conditions d'égalisation, ce qui n'est pas du tout, à mon avis, Röpke compatible, en tout cas le Röpke dans sa carrière avancée. Alors maintenant, je voulais poser un certain nombre de questions à chacun d'entre vous. Vous avez des questions de détail relativement courtes. Donc je vais commencer par Jean. Dans ta biographie et puis dans ta présentation, mais ça se voit plus dans le livre, tu insistes sur le refus de l'approche chronologique et de l'importance de la contextualisation. Aujourd'hui, tu as été plus chronologique que tu ne l'es dans le livre. Néanmoins, et là c'est à travers le sociologue se demande toujours, mais d'où viennent les gens? J'ai été étonné d'apprendre qu'à la page 143 que Rolke était issu d'une lignée de médecins ruraux, et puis seulement à la page 494 qu'il venait d'une famille de médecins de campagne, de Schwarmstedt, que ses parents étaient aimants, qu'il est dans une communauté villageoise, etc. Bon, évidemment, je ne veux pas tout réduire à sa socialisation initiale, mais on a quand même l'impression que le monde idéal de Rolke, c'est le monde dans lequel il a grandi. Malgré tout, je me demande si... tout ne peut pas se réduire à ça, mais j'ai quand même le sentiment que c'est assez important. Ensuite, il y avait une deuxième question, mais qui est plus une demande de revenir un peu en détail. Je pense que tu t'expliques bien ta perspective, qui est de faire à la fois une histoire intellectuelle qui restitue le contenu des idées, une histoire des intellectuels. Et cette histoire des intellectuels, pour comprendre le succès de l'un d'entre eux, elle va essayer de voir comment il se construit une légitimité, quels cercles vont le porter, etc. Et en fait, d'une certaine manière, même s'il y a le livre de Deutsche Frage, j'étais étonné du succès de Röpke en Allemagne, après-guerre. Ça ne me paraissait pas si évident, en fait, parce qu'on se dit, après tout, c'est quelqu'un qui est en Suisse et puis qui y reste, il ne retourne pas en Allemagne. C'est quelqu'un, quand il aura du succès plus tard, il y aura une petite vogue américaine, etc. Et ça m'a étonné. Et la première question qu'elle est avec, en fait, c'est son rapport à l'économie sociale de marché. Parce que, comme tu as dit dans l'exposé, c'est pas une chose tout à fait évidente, parce que l'économie sociale de marché, c'est un slogan, plus qu'une doctrine politique. C'est un slogan où le pouvoir en RFA a dû amadouer un petit peu la social-démocratie. Et donc, je m'imaginais Röpke face à la cogestion, j'imagine que c'est pas son idéal. J'imagine que la politique de la concurrence, tu insistes sur le fait que ses positions évoluent dans le temps. Et donc, quand la loi de 57 est mise en place, est-ce que ça l'intéresse encore qu'il y ait après le Bundeskartell Am, qu'il y ait eu une loi sur la concurrence, etc. C'est quelqu'un qui est critique de la CE, etc. Et je me dis, au final, comment ça se fait qu'il se retrouve dans Erhardt et quel rôle il peut encore jouer auprès de ces gens-là, parce qu'il paraît déjà être à mille lieues, ou être toujours en Suisse, ou être dans les futurs États-Unis conservateurs, mais je m'étonne de son succès. Et puis une dernière question sur le personnage, un peu plus toujours sur sa socialisation. Il y a un moment où tu indiques que quand sa pensée connaît un certain succès au milieu des Suisses, à la fois chez les protestants et chez les catholiques, il y a un moment où tu dis l'économiste genevois ne se voit pas pleinement reconnu dans l'ancrage religieux et confessant de la pensée ordo-libérale naissante. Et donc, en fait, je me demandais vraiment quel était son rapport à la religion, est-ce que, comme tu avais lu son journal, est-ce que c'est une chose qui fluctue dans le temps, ou est-ce que c'est un axe cardinal dans sa pensée? On a souvent tendance à penser que le courant ordo-libéral, ne serait-ce que pour cette notion d'ordo, etc., est très lié à une conception religieuse. Enfin voilà, si tu peux revenir un petit peu dessus. Pour Thibault, donc, j'ai aussi une série de questions. Il me semble qu'il y avait, et c'est apparu à l'oral, qu'il y a parfois une petite contradiction entre le fait pour le néolibéralisme, de revenir à la définition de Foucault in fine, c'est-à-dire de vouloir un peu homogénéiser le courant, et tout en gardant l'idée d'une pluralité de sociolibéralisme. Et du coup, j'avais le sentiment qu'on essaye les branchements dont tu parlais, on branche des social-libéralismes sur un néolibéralisme, alors qu'en fait, il y a peut-être beaucoup plus de typologies faisables, constructives, etc. Deuxième petite chose, c'était l'idée que... Une idée qui était dans le texte, je ne sais pas si elle a été dite à l'oral, mais je trouvais amusant, c'était l'idée que... Enfin, si, elle a été dite à l'oral. Qu'un hybride asymétrique réalise plus facilement le projet néolibéral. C'est-à-dire qu'il faut toujours une dose sociale pour que le libéralisme s'impose. Je me demande si, d'une certaine manière, ce n'est pas ce qu'on ne s'en trouve pas l'argument qui était développé par Boltanski et Schiapello ou par d'autres. Eux, c'est dans l'esprit du capitalisme, à savoir que le capitalisme. capitalisme ne progresse que s'il incorpore toujours une partie de sa critique, sans quoi il serait indéfendable. Mais d'une certaine manière, je me dis, c'est une chose aussi dont les néolibéraux étaient souvent conscients, le sujet même du colloque Lippmann, je vais encore citer Louis Baudin, ça ne m'arrive pas souvent, mais il disait, il y a le laisser passer, laisser faire, et puis on rajoute souvent le laisser souffrir. Voilà, donc il y a quand même cette idée des néolibéraux que s'il n'y a pas un filet de sécurité, s'il n'y a pas un minimum d'aide, il est impossible d'imaginer instaurer une société de marché. Et donc voilà, je me demandais si, d'une certaine manière, il ne fallait pas avoir ça d'un point de vue un peu fonctionnaliste. Troisièmement, je me disais que un des débats qui revenait dans les présentations, quand tu opposais différentes formes de libéralisme, c'est finalement il y a une distinction entre le libéralisme en tant que philosophie et puis le libéralisme en tant que organisation sociétale et institutionnelle. Et je me demandais si une manière de déplacer le débat, mais à voir, ce ne serait pas de faire une distinction entre le libéralisme, la philosophie, et la concurrence ou le mécanisme des prix. C'est-à-dire, ce qui ne serait pas amusant pour relire ces textes, c'est de les retraduire, au sens où je pense que dans la législature récente, un des moments qui a été intéressant politiquement a été les quelques débats qu'il y a eu autour de l'encadrement des loyers, de la loi du flot, et des prises de position qu'il y a pu avoir autour. Parce que, très concrètement, quand on parle du libéralisme comme une philosophie, on est dans un débat très général. Quand on parle du mécanisme des prix et de son encadrement, on finit par toucher à des choses très concrètes. Et dans ce domaine-là, je pense que le logement est un exemple extraordinaire. C'est-à-dire, si vous dites, vous vendez une maison, je vous taxe de la plus-value que vous avez faite dessus, en clair, j'ai un encadrement de marché, là, vous allez avoir de fortes pressions. Si pour un loyer, vous faites la même chose, vous dites, oui, mais j'ai encadré. Ce ne sera pas le simple jeu de l'offre et de la demande. Et donc, bref, je me demandais si dans cette distinction entre libéralisme philosophie et libéralisme institution, il ne faudra pas reposer des fois les termes autour de dossiers comme ça, qui très pratiquement soulèvent les implications pratiques du libéralisme. Puis la dernière question que j'avais, mais c'était une question double et sur laquelle je suis revenu un petit peu à la fin, c'est je pense qu'on a forcément envie d'en savoir plus sur la socialisation de ces acteurs. Je pense que ce que tu as souligné sur le fait qu'ils n'avaient pas forcément de socialisation militante est quelque chose d'important. Et je pense que c'est d'autant plus important, comme tu parlais tout à l'heure, d'assimilation éventuelle de l'ordolibéralisme à travers les institutions européennes. Parce que si on regarde en France qui sont les spécialistes de l'ordolibéralisme, historiquement, on en compte peu avant les années récentes. Et quand on regarde même quels étaient les débats des économistes, à part un Raymond Barre, il y a peu de gens en France qui ont lu les ordolibéraux. Et puis il y a la thèse de Bilger, je veux dire, avant un certain nombre de... L'ordre c'est totalement inconnu. Donc c'est assez amusant de voir qu'il peut y avoir un retour par l'Europe. Et du coup, ma question dans ce domaine-là, elle était, on voit qu'on est très souvent dans des milieux dits européistes, pro-européens. On voit aussi qu'on est dans des milieux qui sont souvent socialistes chrétiens. Et donc je voudrais savoir si ça, c'est vraiment des choses que tu as pu mesurer, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment les lieux de passage incontournable. Et ça me fait retomber sur cette question de religion que j'ai posée tout à l'heure, parce que je pense malgré tout, quand on est dans les débats sur l'économie, et que ces débats deviennent des débats beaucoup plus généraux, des débats idéologiques sur l'état du monde, sa régulation, etc., les convictions religieuses des acteurs sont assez centrales. Voilà. Merci beaucoup, François. Bon, les gars, débrouillez-vous. Ok, je commence. Je peux toujours la chronologie. Socialisation du jeune banquier, oui, c'est vrai. J'ai eu, en écrivant cette biographie, je ne voulais pas avoir rien à faire une biographie avec les années de jeunesse, l'enfance d'un chef, etc. Enfin, tout ce qu'on peut penser de la rhétorique biographique qu'on peut trouver. Donc j'ai fait cette construction un peu à rebours de la chronologie. Alors la socialisation primaire, si j'ose dire, de Röpke, il a grandi dans un gros bourg rural de l'Allemagne du Nord, près de Hanovre. Il est issu quand même de ces élites bourgeoises, alors plus rurales peut-être que la plupart de ses collègues, mais tous ces universitaires, on les appelle les bourgeois de talent, les Bildungsbürger en allemand, suivant une formule difficile à traduire, ils sont très homogènes socialement. Donc lui, c'est une variante un peu plus rurale, peut-être, l'universitaire qui grandit dans le quartier UP, qui est une petite université allemande, il n'est pas très loin de la campagne, aussi, il s'imagine en tout cas vivre dans un milieu préservé de la grande ville. Donc c'est pas très important. Enfin, il faut le noter parce qu'effectivement, il y a une sorte d'idéalisation, de théorisation de la société néolibérale idéale, qui est une sorte de réactualisation de son enfance fantasmée dans un univers rural, pré-industriel, avant l'ère des masses, etc. C'est vrai, mais c'est pas un élément fondamental, je dirais, de sa socialisation. Alors, pour poursuivre, pour le coup, dans le sens de la chronologie, les ordolibéraux, donc c'est un terme complexe, hein, parce que ça renvoie à la revue Ordo, qui est fondée en 1948, mais les premières réflexions théoriques du courant ordolibéral, ça date du début des années 30, et notamment, il y a une école qui s'appelle l'école de Fribourg, à la fin des années 30, qui se pose les véritables fondements théoriques de l'ordolibéralisme, et avant que le terme lui-même existe, ces gens-là, c'est autour de Walter Röcken, et d'autres sont tous fondamentalement conservateurs. C'est-à-dire que si vous considérez Walter Röcken, Franz Böhm et les autres, vous oubliez tout ce qui relève plus ou moins du libéralisme néo-panéo, ce sont des conservateurs antidémocrates profondément marqués par l'ancrage religieux. Et ça, Röpke, c'est beaucoup moins net. Parce qu'au départ, Röpke, c'est un démocrate de gauche, républicain, il fait ses études au début des années 20, il fait partie de cette minorité de 10% des étudiants qui ne sont pas antisémites, qui ne sont pas nationalistes, qui ne sont pas nostalgiques de l'Empire, il milite pour le nouveau régime, et donc au milieu des années 30, il y a encore un peu de ça, et quand il dialogue avec Röcken, dans sa correspondance, il explique que oui, Röcken, ils vont obséder par la religion, c'est un peu énervant, il n'est pas du tout sur cette même ligne. Mais après la guerre, il évolue dans le sens d'un conservatisme de plus en plus prononcé, donc il se retrouve dans une vision plus religieuse, mais sans vraiment thématiser la chose de manière très précise, c'est relativement secondaire, c'est beaucoup moins présent que chez Röcken, et c'est beaucoup moins présent que chez Alfred Müller-Harmack, qui est un autre ordolibéral, et qui est le père de la notion d'économie sur le marché de concept, c'est Müller-Harmack. Lui, c'est un sociologue de la religion, il publie un livre en 1948 qui s'appelle « Le siècle sans Dieu », et il impute à l'absence de Dieu, au déclin de la foi, à la sécularisation, la responsabilité de tous les dérèglements de la modernité. Donc c'est beaucoup plus net chez les autres ordolibéraux. C'est pour ça que, pour ma part, j'ai un peu du mal à le présenter, Röpke, comme un ordolibéral standard, parce qu'il est un petit peu différent. Donc, mais après, il se revendique plus d'une logique analytique qui relève de la sécularisation. Lui, c'est plus la massification qui lui pose problème que la sécularisation. Alors, le succès de Röpke en Allemagne, c'est pas évident. C'est vrai. Alors, il faut pas perdre de vue que les liens entre la Suisse et l'Allemagne sont considérables. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, pendant l'entre-deux-guerres, à l'époque nazie, pour des raisons que les Suisses ont préféré passer un peu sous silence après 1945, les liens sont très étroits. La Neue Zürcher Zeitung, le premier quotidien politique plus important d'orientation libérale, est très lu dans les milieux conservateurs allemands. C'est une la frontière, elle est purement politique, mais idéologiquement, elle est très poreuse. Konrad Adenauer, chaque matin, il lit la Neue Zürcher Zeitung, il est très attentif à ce qui se passe en Suisse. Il y a aussi un tropisme helvétique très prononcé chez les élites conservatrices allemandes. On va souvent en vacances dans les montagnes helvétiques. Donc, une représentation très positive de la Suisse comme îlot rural, protégé des effets délétères de la modernité. Röpke le fait que finalement, verbaliser, ce qui est un sentiment très répandu dans les élites germaniques au sens transnational entre l'Allemagne et la Suisse. Donc les principaux soutiens de Erhard sont pas seulement du côté allemand, mais du côté de ces milieux néolibéraux helvétiques. Donc les liens sont très étroits. En 1953, Albert Hunold, qui est donc le secrétaire général du Mont Pèlerin, qui dirige le think tank helvétique que je vous présente tout à l'heure, remet à Ludwig Erhard en personne un volume édité par son institut, avec une petite bordure en or, je ne sais pas quoi, enfin une édition spéciale sur le miracle économique. Donc les liens sont très étroits entre la Suisse et la Mélouest, ce qui peut relativiser cette étrangeté de notoriété qui est celle de Röpke en Allemagne. Ensuite, il est quand même allemand, il vient d'Allemagne, il a publié cet ouvrage, qui est un ouvrage qui a un retentissement considérable, et c'est le plus médiatique, parce qu'il est capable de résumer en une phrase, c'est un génie de la vulgarisation, il multiplie les articles de journaux, donc c'est le plus vendeur des ordolibéraux. Röcken est incapable de s'exprimer sous une forme accessible pour le notaire, le commerçant, le cadre d'une entreprise. Röpke, ça, il sait faire. Rustow, il faut 20 ans pour écrire ce que Röpke fait en 2 ans. Donc il est le seul à être capable, c'est comme Friedman aux États-Unis. Et ce qui les différencie des autres, c'est la capacité à rédiger 4 pages où tout va être dit et où le dentiste va avoir l'impression de comprendre en quoi consiste la menace collectiviste. Donc c'est pour ça qu'il est le meilleur vendeur d'économistes de marché au début des années 50. Alors là, je dirais au début des années 50 ou à la fin des années 40. Après, il y a un divorce progressif. Donc là, s'il continue de soutenir officiellement la politique de Erhard, la critique de plus en plus, parce que ce qui se passe en Allemagne de l'Ouest comme dans les autres pays occidentaux, c'est tout simplement la montée en puissance de l'État, l'interventionnisme étatique, l'État-providence. J'ai cité la loi de 1957, la grande réforme des retraites, qui est une étape majeure dans l'approfondissement de l'État-providence. Röpke en est malade, il ne supporte pas cette réforme de 1957. Et donc, au début des années 60, il dit qu'il ne pourrait plus accorder le même satisfecit qu'il avait accordé au début des années 50 à la politique économique des années 60. Röpke, c'est un faucon. C'est l'un des plus, des plus radicaux dans le camp néolibéral européen. Donc, de ce point de vue-là, il ne cadre pas du tout avec l'image d'une bipartition entre un néolibéralisme anglo-saxon beaucoup plus radical et un néolibéralisme européen plus modéré. Donc, il est de plus en plus en décalage, ce qui le conduit, comme je disais tout à l'heure, à soutenir des petits partis assez radicaux à la droite de la CDU. S'il conduit à se retrouver, à se trouver des alliés et des camarades de combat, voire des camarades de cœur du côté des néoconservateurs américains, et à critiquer Erhard, à critiquer la CDU, et à soutenir des figures extrêmement problématiques, hein, des idéologues conservateurs qui sont à la limite du consensus démocratique, et qui le conduit donc à s'éloigner de cette économie sociale de marché, qu'a critiqué Hayek aussi. Hayek, il y a social dans l'économie sociale de marché, donc ça pesait pas Hayek, mais ça plaît pas plus à Röpke. Donc il y a un divorce progressif. Et toute la question de savoir comment aurait évolué Yann Röpke, qui est mort en février 1966, une crise cardiaque, sachant que dans son journal, on trouve de plus en plus de considérations. Alors tu disais que c'est un intellectuel cosmopolite, tout ça c'est tout à fait vrai. À la fin, dans ses écrits personnels, il réhabite Bismarck. Bismarck, il a beaucoup critiqué. Dans les années 1960, il trouve que Bismarck, c'était pas si mal. Il y a de plus en plus de considérations sur... Il y a De Gaulle aussi, non ? Pardon ? Il y a De Gaulle aussi, non ? De Gaulle. Alors, De Gaulle est considéré comme une alternative pour la défense du monde libre face à Kennedy, qui est considéré comme un mou, sachant que les États-Unis... Alors, c'est un paradoxe chez Röpke. Dans le même temps, il découvre chez les nouveaux conservateurs des camarades de combat, les États-Unis, c'est l'incarnation du mal pour lui. C'est la grande ville, c'est l'automobile, c'est ce qu'il considère comme un niveau culturel de bas étage, c'est tout ce qu'il déteste. Il va au colloque de la Société Montpellier à Princeton en 1958, il considère avec beaucoup de scepticisme le building dans lequel a lieu le congrès avec 9 ascenseurs. Il voit dans cette espèce de contrôlé par une sorte de mécanisme électronique, il voit là une sorte de métaphore du côté technocratique des Américains. Donc il ne supporte pas les États-Unis. Mais en même temps, et donc il ne supporte pas non plus le rôle que jouent les États-Unis en Amérique latine. On pourrait croire qu'il est un turiféraire à la politique États-Unis. Pas du tout. Il se retrouve avec les néolibéraux sud-américains pour critiquer la mollesse supposée des États-Unis. Les États-Unis, Kennedy, l'Alliance pour le Progrès, ça c'est du collectivisme pour Röpke. Röpke qui va du coup être en phase avec les sud-américains, les néolibéraux sud-américains qui évidemment sont beaucoup plus critiques. Dernier point, moi aussi je citerai Baudin, qui en 1953 dit que le néolibéralisme existe dans un seul pays et un seul, c'est le Portugal. Bon, donc là, ça dit quelque chose sur le néolibéralisme. Lui, Baudin, c'est pas non plus un type complètement périphérique, atypique, il est membre de la Société du Mont-Pèlerin. Il y a deux références très importantes pour les néolibéraux des années 40 jusqu'aux années 80. Donc, la première référence, c'est le Portugal de Salazar, et la deuxième référence, c'est évidemment le Chili de Pinochet. Sachant qu'il ne faut pas se limiter au seul Chicago Bulls, et donc au seul freemanisme, c'est toutes les composantes de la planète néolibérale qui sont plus ou moins fascinées, à des degrés divers, par cette perspective d'un pays où il est enfin possible de mettre un terme à ce que les néolibéraux purs et durs appellent les ravages de la démocratie illimitée. En gros, la démocratie est tout court, à savoir le parlementarisme, le suffrage universel. Là, il est enfin possible d'adopter des mesures qui vont permettre de lutter contre l'État-providence, l'interventionnisme, etc. Donc il y a un moment de fascination, plus ou moins avoué, qui va être nié par la suite, qu'on retrouve un certain nombre de textes néolibéraux. Enfin, un dernier point, c'est pour rebondir sur tes considérations auxquelles j'adhère complètement sur la difficulté à définir le néolibéralisme. Qu'est-ce que le néolibéralisme ? Je dirais que pour les vrais néolibéraux, ceux qui gravitent dans ces milieux, la Société de Montpellerin, dans des think tanks comme la Heritage Foundation ou le Cato Institute aux États-Unis, eh bien, les sociolibéraux dont tu parles, c'est des mous, c'est des socialistes, c'est des collectivistes. À la fin des années 1990, Hedwig Follner, qui est le père fondateur de la Heritage Foundation, donc un des principaux lobbyistes conservateurs américains, il est en même temps le président de la Société de Montpellerin, ce qui montre bien les liens entre ces deux constellations idéologiques. Il dit que c'est bien, le mur est tombé, c'est largement grâce à nous, mais il ne faut pas se voiler la face. Le collectivisme est toujours là, le big government est toujours là. Donc la situation est pire que jamais, il faut se mobiliser. Quand on voit les États-Unis à la fin des années 90, avec la réforme de Clinton sur le welfare en 96, on n'a pas l'impression d'être confronté à un pays gangréné par le collectivisme. Donc il faut bien cerner la radicalité jusqu'à aujourd'hui de ces milieux-là, qui renvoie aussi à ce que l'on appelle le libertarianisme. Vous avez dans l'Alabama un institut qui s'appelle le Mises Institute, qui a des ramifications un peu partout en Europe maintenant. Et en 2013, il y avait une conférence qui a été faite à l'Institut Coppée, qui est un think tank néolibéral français relativement récent, avec pour thème de conférence la démocratie, pourquoi ça ne marche pas. Et donc, vous avez une longue considération faite par deux Néerlandais, membres du Mises Institute, je ne sais pas trop comment ça se dit en néerlandais, qui est une antenne du Mises Institute américain originel, et qui ont écrit un livre traduit en 10 langues, une espèce de brochure sur les ravages supposés de la démocratie qui est le foyer du collectivisme. Donc on a là la continuation finalement de mots d'ordre qui remontent à Hayek, qui remontent à cette période fondatrice des années 30-40. Donc il est quand même possible d'établir des liens entre ces moments fondateurs que j'ai évoqués dans mon intervention et puis des discours qui se perpétuent jusqu'à aujourd'hui, mais dans ces milieux radicaux, néolibéraux radicaux, au sens strict, qui là pour le coup se distinguent de ce que l'on peut appeler le blairisme, le schröderisme ou le macronisme, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais enfin bref, là il y a quand même des différences qui restent importantes. Alors, sans transition, effectivement l'ennemi n'est pas le même. Hein. C'est moins la gauche radicale, même si ça revient souvent, que ce qu'ils appellent très joliment le surmoi marxiste au sein du PS ou au sein de la gauche, ou cette passion égalitariste, ou... Il y a le José-Bovisme chez BHL aussi. Enfin, il y a différentes variantes, mais c'est cette idée finalement de l'ennemi intérieur. Dans la gauche qui nous empêche d'arriver et d'être enfin une gauche moderne, c'est le old labor chez Tony Blair, c'est cette idée qu'il y a la vieille gauche et la gauche moderne. Et à cet égard, le clivage gauche-droite est largement remplacé par archaïque moderne. Ce qu'avaient déjà tenté les rocardiens dans une configuration totalement différente, contre le CRS de Chevènement, où il y avait vraiment cette guerre entre est-ce que c'est gauche-droite ou moderne archaïque. Quoi. Pour le coup, là, les sociolibéraux tentent... leur ennemi, c'est plutôt ça. C'est le surmoi marxiste, pour prendre une expression de Laurent Baumet, notamment. Alors, après, le rôle de l'État, permettre l'égalité, oui, l'égalité des chances, on a dit, ou plus encore, peut-être, permettre l'inclusion. C'est-à-dire, il y a toute cette série de travaux, notamment dans la revue Esprit, autour de Touraine et quelques autres, avec cette idée qu'il faut que personne ne sorte de la société, donc personne ne sorte du marché, plus que, évidemment, l'égalisation des conditions. Et donc, toute cette thématique de l'exclusion, qui va monter très fort, d'ailleurs, au sein des institutions européennes, prend un nouvel éclairage quand on voit que c'est un peu le substitut à l'égalité. Au sens de la social-démocratie classique. Alors sur la contradiction par rapport au néolibéralisme qui est vraiment effectivement très homogène chez Foucault, où entre un Gary Baker et les ordo-libéraux, il y a effectivement de la marge, même sur l'anthropologie philosophique, ce qui est une vision de l'homme, etc. Oui, ce qui m'intéressait chez Foucault, c'était d'abord et avant tout cette idée sur tout le travail sur l'idée de la politique de la concurrence, que ça je trouve intéressant, et l'idée sur les gouvernementalités. Après, effectivement, sur le fait de pluraliser davantage, ça je suis pleinement d'accord. Il me semble que c'est moins une contradiction, peut-être un effet de présentation un peu rapide. Sur l'hybride asymétrique, effectivement, ça rappelle Boltanski et Schiapello, où ça rappelle finalement cette idée, que, mais assez vrai en fait dans la plupart des gouvernements, où il faut quand même donner un peu quelques biscuits de gauche, quoi, pour arriver à faire passer des éléments. Il me semble que simplement, si cette variable est toujours vraie, le contenu diffère à chaque fois. Et par rapport aux néolibéraux, Là, on est vraiment sur cette idée quand même d'égalité des chances par rapport simplement à éviter la crise de 29. Donc il y a un décalage, même si le cadre idéologique et politique est analogue. Alors après, sur la question que tu soulèves sur finalement, est-ce qu'il vaudrait mieux pas réserver peut-être le terme libéralisme ou néolibéralisme à la dimension pensée politique, idée, et utiliser d'autres termes pour désigner la réforme du logement, des réglementations, etc. Les anglo-saxons utilisent par exemple pensée du libre marché, etc. Alors, peut-être qu'une des options, ça serait de déconstruire ce terme, de le réserver au phénomène idéal, entre guillemets, et d'utiliser d'autres termes. Une autre solution qui est élégante, et en tout cas qui m'intéressait, c'était celle de Thérèse Jobert sur néolibéralisme doctrinaire, néolibéralisme gestionnaire, qui moi m'intéressait surtout, enfin, qui m'intéresse maintenant en bossant sur les politiques publiques, précisément parce qu'on voit que des gens qui ne croient pas au néolibéralisme, qui sont une critique à l'égard du néolibéralisme, le font en pratique. Via essentiellement, d'ailleurs pas les croyances européennes, via essentiellement des croyances en des dispositifs d'action publique. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels de gestion des ressources humaines, des reportings de politiques publiques qui pour eux sont désidéologisés, c'est la bonne pratique qu'ils ont appris dans des grandes écoles, et c'est, le néolibéralisme passe aussi comme ça. Et pas sur le mode de la conversion religieuse, la conversion idéologique justement, sur le mode de la croyance, mais plutôt sur le mode de la croyance en des outils, en des instruments d'action publique. Donc il me semble qu'il n'y a pas de solution idéale, et je pense que ça vaut le coup de faire tourner ces couples, ces distinctions, en fonction aussi des objets qui sont les nôtres. Donc à cet égard, voilà. En bossant sur les politiques publiques un peu plus maintenant, il me semble que le néolibéralisme gestionnaire doctrinaire, c'est pratique. S'il faut distinguer fait idéal, fait idéal social, peut-être réserver libéralisme, néolibéralisme à la dimension proprement idéologique. Je ne crois pas qu'il y ait de solution, ça va dépendre du problème en fait, à chaque fois de l'enquête. Déjà, si on arrive à déterminer à chaque quel problème réponse et distinction, là, on aura déjà avancé. Enfin, sur la socialisation des acteurs, alors il y a la variable religieuse me semble très présente plutôt sur la génération. Plutôt les doloristes, entre guillemets, que les rocardiens, pour plusieurs raisons. Déjà parce que Rocard, c'est les protestants, et c'est beaucoup plus ancien au sein du PS que les protestants se sont acculturés. Il n'y avait pas de problème du PS et de la galaxie laïque à l'égard des protestants, beaucoup plus à l'égard des catholiques. Donc il me semble qu'il y a une variable religieuse, mais pour ces générations-là. Pour les générations ultérieures, je ne vois pas d'éléments... c'est largement... Il n'y a pas de socialisation religieuse très forte, pas de choses qui ressortent, à part, encore une fois, vraiment les gens très très proches de là. Donc c'est un petit réseau, échange des projets, puis les réseaux européens, et plus récemment notre Europe. Donc c'est vraiment toujours un peu quand même très très localisé en termes de réseau. Socialisation des acteurs, et il me semble, encore une fois, il y a la socialisation militante qu'il n'y a plus avant, en tout cas la socialisation secondaire à l'ENA, dans les grandes écoles. Il me semble aussi qu'il y a une transformation assez profonde de ces mêmes grandes écoles et des enseignements qui s'y donnent. À cet égard, bon, il y a déjà pas mal de travaux là-dessus, mais c'est des choses qu'il faudrait creuser. Moi, je suis toujours fasciné, mais ça reste mon énigme à l'heure actuelle. Comment des gens qui sont contre le néolibéralisme peuvent le pratiquer? Il me semble qu'il y a la croyance dans les outils, la croyance gestionnaire. Et ça, il faudrait aller presque voir dans les formations, quoi. C'est quoi concrètement, qu'est-ce qu'on leur apprend, par quel dispositif ça passe. Il me semble que ça serait une des pistes intéressantes. Et je vais m'arrêter là pour laisser un peu de place quand même à la discussion avec le public. Merci. Merci. Bon, nous allons briser le quasi-monopole de la production de parole. Donc, chers amis, c'est à vous. Si vous souhaitez, sinon moi je peux parler. Isabelle, j'ai une question sur la première intervention et sur le rôle de l'anticommunisme dans l'histoire du néolibéralisme. Je ne connais pas du tout l'histoire du néolibéralisme, donc mes questions sont peut-être un peu naïves, quoi. Donc on voit bien en vous écoutant la fonction unificatrice que joue l'anticommunisme pour rassembler finalement des intellectuels assez, qui peuvent avoir des parcours assez différents. Et unifier leur position, mais je me demande en vous écoutant à quoi cela renvoie concrètement dans les luttes, dans les logiques de concurrence dans lesquelles ils sont prises, quoi. Qui sont les communistes auxquels ils s'attaquent, parce que dans le champ de l'économie, voilà, je ne vois pas très bien à quoi ça renvoie, quoi. Est-ce que ça renvoie aux keynésiens et aux positions qu'ils ont réussi à conquérir dans l'appareil d'État? Est-ce que ça renvoie à quoi renvoie vraiment l'anticommunisme dans le champ professionnel auquel ils appartiennent? Alors, peut-être juste attendre, parce que je vais prendre une deuxième question. Parce que je me demande, en vous écoutant, moi je vois ça plutôt aussi du point de vue français, c'est qu'on se demande pourquoi l'anticommunisme d'Europe que ne le conduit pas au nazisme. Ça a l'air d'être extrêmement profond, son anticommunisme, donc pourquoi il ne se rallie pas au nazisme, qui lui aussi met en avant l'anticommunisme. Donc est-ce que les éléments qu'on a sur sa biographie, sa trajectoire biographique, permettent d'éclairer son positionnement idéologique pour les... Il est à la fois anticommuniste, mais pas nazi, etc. Et puis j'avais une autre question sur le type de circulation que vous mettez en évidence avec votre enquête, parce qu'au début, dans l'introduction, vous avez dit qu'il s'agissait d'un transfert de l'Europe vers les États-Unis, et après, au cours de votre intervention, vous avez évoqué le rôle des fondations américaines. Et donc, du coup, je me demandais si c'était pas plus complexe comme histoire, quoi, s'il n'y avait pas un transfert, mais plutôt un type de circulation très complexe entre les États-Unis et l'Europe. Autour de cette histoire. Fabrice Philippot, et puis après, on prend un deux tours après. Ok. Voilà, ça peut être, merci d'avoir pour vous exposer. Je me posais une question, en fait, quelque chose qui ne collait pas quelque part dans l'exposé sur Europe. Il me semblait étrange, en tout cas, c'est cette position par rapport aux paysans, aux artisans. Et je me demande si ce n'est pas en rapport avec l'état de l'économie de l'époque. Alors, je regarde un petit peu, mais je n'ai pas. J'ai pas trop eu le temps de voir, mais quelle était la proportion de paysans, d'artisans, quelle était la proportion qui était dans les campagnes et dans les industries, et dans quelle mesure ça influence le type de conservatisme qu'il peut défendre, et dans quelle mesure ça peut influencer aussi l'interprétation qu'on peut avoir du néolibéralisme deuxième mode, donc sur les années 70-80, en termes aussi de structure d'évolution de l'économie, parce que, alors là, c'est presque une hypothèse scandaleuse, d'une certaine manière, mais quand on regarde l'histoire de l'économie française, et les envois les plus autorisés, tout le monde explique que si la France, et je parle bien de la France, hein, non pas du marché, si la France a réussi la mondialisation, c'est au travers de ces multinationales, et donc, c'est quelque part, ça explique l'émergence aussi de tout le vocabulaire de gouvernance, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que les moyens de la puissance, maintenant, ils sont transnationaux. Mais c'est toujours les moyens de la puissance. Mais ils sont transnationaux. Et donc, il faut utiliser le marché si on veut garder les moyens de la puissance. Sinon, on renonce aux moyens de la puissance. Donc, quelque part, l'État est à la commande. Ce n'est pas un discours qui est vraiment anti-étatique. C'est que l'État n'a plus les moyens. Parce que voilà, on n'intervient pas par les moyens de la puissance armée ou des services secrets, des invisibles ou des choses comme ça, on intervient au travers des multinationales, Veolia, enfin, tous les champions français du CAC 40, qui permettent à la France de toujours continuer à augmenter son PIB, qui est le compte de la puissance. Enfin, voilà. Et l'État là-dedans, quelque part, est-ce que le jeu c'est entre le marché et l'État, ou est-ce que finalement il n'y a pas une complémentarité plutôt de ce soi-disant langage de marché vis-à-vis de la politique de puissance de l'État? Et à ce niveau-là, je peut-être une remarque aussi, c'est-à-dire quand on regarde l'économie française, dans les années 60, enfin, la période fordiste, en France, on produit tout, sur le territoire pratiquement, il y a les mines, enfin, tout le circuit économique il est pratiquement sur place. Aujourd'hui, on ne produit rien, pratiquement plus rien, 82% de tertiaire, on importe massivement les denrées. Bon, s'il fallait relocaliser tout, je pense que le PIB chuterait de manière assez importante et les moyens de puissance avec. Bon, voilà, il y a des facteurs objectifs, entre guillemets, qui peut-être économiques, qui gagneraient peut-être à. Enfin, qui peuvent expliquer en partie, à mon avis, le virage vers le libéralisme, entre guillemets. Et c'est-à-dire que. Voilà, c'est un premier point autour de la position de l'économie là-dedans. Et puis un deuxième point aussi qui pourrait peut-être être pris en compte, c'est. Donc, pour répondre à quel est l'ennemi, hein, dans la troisième voie, quel est l'ennemi, c'est les autres, hein, c'est les autres États. Il faut avoir les moyens de la puissance, il faut être dans les 6 premiers au niveau PIB, il faut être au G8, il faut être au G7, il faut avoir une capacité de production militaire, des choses comme ça. Et donc, on est dans une espèce de réel politique, plus ou moins, en grande partie. Après, donc ça, c'est tout un premier point sur la place de l'économie, une analyse un peu marxiste, on pourrait dire. Et puis. Un deuxième point, c'est toujours marxiste d'ailleurs, c'est ce que dit Jacques Bidet sur le jeu de la métastructure, de la structure de la métastructure, parce que vous êtes familier un peu avec ça, c'est que fondamentalement le libéralisme est un discours formel et qu'évidemment il ne fait pas ce qu'il dit. et que sans cesse, les mouvements de critique du libéralisme type le socialisme vont se ressourcer dans le libéralisme. C'est pas le côté formel du libéralisme qui pose problème, c'est le fait que le libéralisme ne fait pas ce qu'il dit. Et donc, du coup, il y a plein de références au libéralisme dans le socialisme pour cette raison-là. Et ça peut expliquer, enfin, il faudrait trier un petit peu ce qui relève véritablement d'un compromis social-libéral de ce qui relève de ce jeu entre le réel et le formel. Enfin, c'est deux pistes un petit peu pour essayer toujours de démêler un peu cette origine du néolibéralisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jean ? Oui, alors. Pour reprendre la série des questions, l'anticommunisme, c'est un imaginaire. C'est une conviction qui ne renvoie pas forcément à la réalité objective. Pour reprendre l'exemple de la Suisse, en 1940, après l'effondrement français, ou au lendemain du déclenchement d'une guerre en septembre 1939, la principale préoccupation des libéraux et des conservateurs suisses, c'est pas l'Allemagne nazie, c'est les communistes suisses. Il doit y avoir 350 militants communistes dans toute la Suisse, ils sont plus ou moins sous les verrous, mais la grande obsession, c'est comment lutter contre la menace communiste. Donc il y a une dimension totalement subjective, irrationnelle, de la peur du communisme qui alimente bien des discours. Donc c'est pas forcément un ennemi clairement identifiable. Après, il y a des logiques d'association. Les sociaux-démocrates allemands sont considérés comme faisant le jeu du communisme, voire préparant l'avènement du communisme par le degré d'interventionnisme qu'ils suggèrent. Donc, quand bien même il n'y a pas d'ennemis communistes clairement identifiables au sens de militants ou d'organisations qui relèveraient du communisme, ça n'empêche que le communisme imaginaire joue un rôle très, très important. Alors, les circulations Europe-États-Unis, les deux types de circulations que vous évoquez sont de nature un petit peu différente. Du côté circulation des États-Unis vers l'Europe, c'est des financements. C'est les grandes fondations philanthropiques américaines qui ambitionnent, à partir de l'entre-deux-guerres, de faire porter l'accent sur les sciences sociales pour la Fondation Rockefeller, ce qui n'est pas le cas jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, et qui donc vont financer toute une série de structures dont ils attendent la production de savoir d'expertise et pas la production de savoir purement universitaire. Donc effectivement, la Fondation Rockefeller va irriguer toute une série d'institutions, voire contribuer à la fondation d'institutions nouvelles. Mais ce n'est pas une circulation idéologique, circulation des concepts au sens des thématiques que j'ai évoquées, le totalitarisme, l'antimodernisme, le néolibéralisme, ça c'est une circulation qui se fait dans l'autre sens, avec une série de penseurs, Erich Fögelin, de penseurs Leo Strauss, de penseurs conservateurs, qui plus ou moins sont d'origine germanique et qui vont s'installer aux États-Unis ou dont les écrits vont s'exporter vers les États-Unis. Les États-Unis sont importateurs de concepts. Si vous prenez les revues que j'évoquais tout à l'heure, Modern Age en particulier, vous avez plein de comptes rendus de livres sur l'Allemagne. Il y a une sorte de germanophilie très prononcée. On recense tout ce qui s'écrit sur l'Allemagne. Et, recension, par exemple, de l'ouvrage de Raoul Hilbert sur la destruction des Juifs d'Europe. On reconnaît que c'est une étude intéressante, mais le problème de cette étude, c'est qu'elle est trop anti-allemande. On critique de manière excessive l'armée allemande, par exemple. Donc l'Allemagne est considérée comme un modèle comme une pourvoyeuse de références intellectuelles dans ces milieux conservateurs. Alors, pour en revenir à l'anticommunisme, il y a un point important, vous m'avez posé la question, pourquoi est-ce que Röpkes, qui était aussi anticommuniste, n'a pas, par exemple, soutenu le nazisme ? Je crois qu'il y a un aspect qui est un peu perdu de vue, de manière très générale, sur l'histoire qui va des années 20 aux années 40, c'est combien la démocratie en Europe de l'Ouest, enfin, dans tout le continent européen, a été la cible d'attaques venues de deux origines différentes. Vous avez l'attaque fasciste, la mobilisation fasciste en Italie, etc. Mais vous avez aussi une crise de la démocratie au sein même des élites libérales et conservatrices qui se traduit par l'émergence de discours alternatifs. Il y a aussi une critique de la démocratie du côté conservateur. Le meilleur exemple, c'est l'ordolibéralisme. Tous les ordolibéraux, sauf Röpke en l'occurrence, sont antidémocrates, sont des conservateurs. Vous avez en Allemagne toujours toute une résistance conservatrice qui critique le nazisme, mais qui ne veut pas retourner au parlementarisme, qui plaît pour une sorte d'utopie de troisième voie, on pourrait dire encore, autoritaire, avec un vrai chef, débarrassé du suffrage universel, mais pas un régime fasciste. Donc il y a aussi cet au-delà conservateur que cherchent beaucoup de conservateurs, qui explique que beaucoup de ces critiques du communistes, de ces anticommunistes virulents, ne se reconnaissent pas pour autant dans le fascisme, qu'ils assimilent comme, comme une émanation des masses. Hein. Ces ordolibéraux, beaucoup de conservateurs, voient dans le fascisme une forme de communisme, dans un sens. Et la meilleure illustration de cela, c'est que lorsque l'URSS et l'Allemagne ont conclu le pacte de non-agression en 1939, Röpke explique que, finalement, le problème, la menace, c'est le communisme. L'Allemagne nazie n'est que la marionnette entre les mains du communisme. Ce qui se prépare, c'est l'avènement du communisme dans toute l'Europe. Le nazisme n'est qu'un allié transitoire qui va être avalé par le communisme. Ça, il dit ça en 1940. Donc, on voit bien combien cette dimension de l'anticommunisme est largement fantasmatique. Au-delà de chacun de ces individus considérés, il y a une grande peur du communisme, qui est un phénomène structurant de l'histoire du XXe siècle. La peur de voir le fameux dessin de Plantu, 81, ah tiens, il n'y a pas de char soviétique sur la place de la Concorde après l'élection de François Mitterrand, bah, ça reste vrai. Autre illustration de cette force anticommuniste, c'est l'économiste français Pascal Salin, qui est à Santiago du Chili en 1981, et il y a des journalistes du journal Le Mercurio, le principal quotidien conservateur chilien, qui viennent interviewer, qui demande, pose des questions angoissées sur la situation dramatique qui règne en France. La France est sur le point de basculer vers le totalitarisme, ce qui passe Pascal Salin. Donc il y a quelque chose d'un peu surréaliste. On a un économiste français qui est au Chili, en pleine dictature chilienne, qui explique que en France, c'est terrible, la liberté est sur le point de s'effondrer et on va basculer dans le totalitarisme. Donc c'est encore la peur du communiste, la peur, parce que derrière la valorisation du modèle chilien, entre guillemets, il y a la grande angoisse qui était celle, soi-disant, d'un risque de coup d'État marxiste, type cubain, au Chili. Soyez des... Donc cette grande peur du communisme, elle va des années 10, enfin, de la fin des années 1910, jusqu'aux années 80, quasiment, avec des variantes, sachant que tout ce qui est les formes de socialisme démocratique sont assimilées à des variantes préparant l'avènement du communisme pur et dur au bout du compte. Donc c'est vraiment une grille de lecture structurante, mais qui ne renvoie pas à des données objectives, forcément. Je crois que j'ai répondu... Ah oui, alors sur la proportion des paysans, des artisans... Alors il est clair que la société allemande des années 30 ou la société suisse des années 30 sont plus rurales qu'aujourd'hui, mais là encore, on est largement dans le registre des imaginaires. Hein. Dans la Suisse de la fin des années 30, et au particulier au début de la guerre, la Suisse conçoit son identité dans sa dimension paysanne. Être suisse, c'est être paysan, quelque part, explique l'une des principales figures du monde syndical suisse. Il y a toute une valorisation de la Suisse rurale, de la Suisse authentique, de la Suisse éternelle. Donc là aussi, on est dans le registre des imaginaires beaucoup plus que dans la réalité objectivable en termes de pourcentage de répartition de la population active. Il y a là un topos classique du discours conservateur, la modernité destructrice, la modernité perverse, par opposition au mode de vie rural, paysan, qui est sain, qui suppose être sain. Donc là, Röpke ne fait que finalement être l'exposant de sentiments largement répandus dans les élites conservatrices à travers toute l'Europe, pas seulement en Suisse ou en Allemagne. Alors, est-ce que l'ennemi, c'est les autres dans le social-libéralisme? C'est assez vrai, j'ai envie de dire plus encore dans la version britannique. C'est un aspect qui est assez peu vu, et c'est une des raisons pour laquelle une partie des sociaux-libéraux qui ont le plus un penchant, on va dire, national, républicain, national, national-républicain, c'est qu'il y a vraiment toute une série de slogans et de valorisations de « on va faire une grande, grande Bretagne ». Grâce justement au social-libéralisme, qui sera la solution qui nous permettra effectivement dans la mondialisation de tirer les marrons du feu. Il y a cette idée-là qui est indéniable, mais du coup ça situe à un autre niveau. Là, je parlais du surmoi marxiste pour désigner l'ennemi de l'intérieur, l'ennemi au niveau politique. Là, c'est effectivement l'ennemi au niveau gouvernemental, étatique, lorsqu'on est au pouvoir. J'insiste là-dessus parce que le social-libéralisme est malgré tout parfois hybridable ou compatible avec certaines formes de national-républicanisme, on va dire. Et à cet égard, Manuel Valls est un élément vachement intéressant. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, les sociaux-libéraux dont on parle sont plutôt sur le modèle libéral, culturel, etc. Et Manuel Valls, qui pèse rien au niveau du Parti Socialiste jusqu'à 2008, il faisait à peine 5% aux primaires, représente un courant assez étonnant et assez peu représentatif au sein du Parti Socialiste ou de l'espace intellectuel socialiste en général. Mais ça existe. Il y a cette frange-là. C'est une frange aussi qui a existé un peu autour de Debray, etc. Donc des gens qui étaient plus sensibles au discours national, etc. Mais c'est assez limité, mais ça existe même idéologiquement. Après, sur Bidet et sur la question formelle réelle, oui, enfin là, ça rejoint la question après quel mot on va utiliser pour désigner le côté formel ou idéal ou discursif et la dimension sociale ou mode de production, etc. Moi, je suis toujours un peu emmerdé avec superstructure, métastructure, etc. Parce que finalement, je suis assez sensible à la dimension performative du discours, c'est-à-dire que ça fait faire des choses effectivement, mais de l'autre côté, il faut distinguer le mode de production économique et le discours de justification. Pour autant, le néolibéralisme, pour moi, n'est pas qu'un discours formel ou de justification, etc., dans la mesure où il impacte très directement de la répartition, de la distribution, de l'allocation des richesses, et ça a un impact très direct en termes de politique publique. C'est pour ça que formel, je suis un peu moins fan, on va dire. Mais ça, c'est un détail sémantique. Mais après, oui, il faut de toute façon, à chaque fois, si on pourrait presque faire une chaîne, et ça rejoint un peu ce que disait François, sur le néolibéralisme comme pensée politique de l'ordre de quelques théoriciens avec des univers, le néolibéralisme comme idéologie, qui se prend la forme d'une humeur idéologique, avec des mots-clés, avec des slogans, qui devient plus acéphale, il y a moins d'auteurs d'ailleurs. Une idée va mieux se diffuser, qu'on arrête de citer Röpke, et que ça va passer sous les formes de notes dans des think tanks, etc., puis qui va passer comme sous la forme d'une gouvernementalité. On a encore d'autres acteurs qui, eux, se foutent des idées. Enfin, pour être très clair, les hauts fonctionnaires que j'interviewe ont un relatif mépris à l'égard des universitaires, des idéologues encore plus, et n'ont probablement jamais lu un seul néolibéral. Donc ça passe autrement. Et puis, de gouvernementalité, ça passe ensuite comme fait. Donc à chaque fois, il faudrait retracer, peut-être changer de nom, mais retracer cette circulation très étonnante. Et je tiens assez à tenir cette boucle, qui est probablement hyper dure à tenir empiriquement en termes d'enquête, etc. Mais c'est ça qui est vachement intéressant quand même. C'est-à-dire comment le néolibéralisme aboutit à des choses que n'ont pas voulu ces théoriciens-là, comment des gens qui n'y croient pas le pratiquent, enfin, il me semble que c'est sous le paradoxe. Voilà. Alors, deux autres questions que tu peux présenter. Oui, Manuel Salard-Rattal, je vous remercie pour ces deux interventions, c'est vraiment très intéressant. Ça m'a fait entre deux petites questions, une à chacun d'entre vous. La première, c'est simplement Röpke, je n'avais jamais entendu même son nom, ou alors je l'avais passé immédiatement jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, ma question, c'est étant donné la notoriété que vous avez montré, qui a été celle qu'il a eu de son vivant, qu'est-ce qui fait qu'il est. Enfin, je ne sais pas s'il est vraiment passé aux oubliettes, c'est juste moi qui en ai entendu parler, mais en tout cas, voilà, par exemple, à Hayek, par comparaison, à Hayek, par exemple, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, on n'entend plus son nom. Et l'autre question pour Thibault Dupré, c'est que vous avez dit à un moment que donc, très peu de ces acteurs se revendiquent cette expression, de cette appellation de social libéral, parce qu'elle est assez largement stigmatisée et disqualifiée. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous êtes vous-même interrogé sur comment s'est constituée cette disqualification précoce de ce terme? Et notamment, je me dis, c'est même paradoxal parce que c'est des idées qui finalement, ces idées sociales libérales sont quand même assez dominantes dans l'époque. Et pourtant, du coup, très tôt, on a réussi à disqualifier le terme même, pas les idées, mais le terme, le qualificatif. Et du coup, voilà, comment on comprend un peu ça. Tristan Rouquet. Merci. Merci à vous deux aussi pour vos interventions. Moi, ma question, c'est une question que je me suis souvent posée autour de ce sujet. Et ça serait peut-être pour réfléchir autour donc, des définitions, des lignes de crête, de ce qui différencie, et la question de Fabrice Foucault a un petit peu aidé là-dedans avec les multinationales, etc., etc. C'est celle de la, et aussi de la distinction entre le libéralisme en tant que théorie et en tant que pratique. C'est la concurrence libre et non faussée qui est mise en avant au niveau de l'Union européenne et de la France, et qui semble... en France appliquée a posteriori avec l'autorité de la concurrence qui vient rectifier un petit peu un oligopole qu'on va condamner pour entente, la téléphonie mobile, etc. Et lorsqu'il y a certains réels sursauts très libéraux, voire ultra-libéraux, de concurrence libre, on peut le voir, je ne sais pas, récemment avec Uber, qui relève de réalités absolument différentes, BlaBlaCar, Uber, etc. On a l'impression que ça veut de suite être contrôlé, endigué, etc. il en va de même pour l'Union européenne. Pareil, on est conférence qui est de côté faussée. Il y a des réalités fiscales qui diffèrent d'un pays à l'autre. Et j'ai l'impression qu'à ce titre-là, il y a une réelle distinction selon les acteurs, qu'il s'agisse d'intellectuels ou de politiciens ou de hauts fonctionnaires, par rapport à ce sujet-là. Et ça reste pour moi une grande nébuleuse du libéralisme ou de l'ultra-libéralisme ou du néolibéralisme. Là, il est 17h. La séance n'est pas encore levée. On peut prendre 10 minutes pour terminer la discussion. D'accord, alors ok, un inconnu, oui, tout à fait. Pourquoi inconnu à ce point? Vous savez que l'ancien chancelier Helmut Kohl a parlé de la grâce de naissance tardive pour expliquer que comme il était encore enfant et comme naziste, il n'avait pas assumé le poids du passé. Ok, je dirais que c'est la disgrâce de la mort précoce, parce qu'il est mort en 1966. C'est-à-dire qu'il est mort dans la décennie qui est une décennie de cauchemar pour les néolibéraux. C'est l'intervention étatique, le keynésisme triomphant, c'est Kennedy, c'est la contre-culture, c'est le SD. Enfin, c'est une décennie, il n'y a pas pire quoi, pour les néolibéraux. Alors que Hayek, lui, continue son petit bonhomme de chemin et il peut donc vivre la crise du keynésianisme. Il a son prix Nobel en 1974 et du coup, il devient l'exposant. Donc, c'est en partie dû à cela. C'est aussi dû au fait que Hayek a quand même pris plus d'importance à partir des années 60 par rapport à Röpke, puis après Röpke disparaît. Donc il y a une redécouverte de Röpke, mais qui ne dépasse pas certains cercles de relative mobilité, et le fait que Röpke est un inconnu quasi total dès qu'on sort des milieux plus ou moins proches du néolibéralisme stricto sensu. Votre remarque là sur néolibéralisme, c'est vrai que c'est compliqué, ultralibéralisme, néolibéralisme. Moi je reste convaincu du fait qu'il est toujours extrêmement difficile de définir ce qu'est le néolibéralisme. Je ferai juste une remarque sur le rôle des institutions internationales. Le FMI, les politiques structurelles imposées à l'Amérique latine à partir de la dette mexicaine en 1982, jusqu'à aujourd'hui, les réformes structurelles imposées à l'Europe du Sud, tout ça, c'est analysé comme des retombées de l'ère du temps néolibéral. Ce que c'est incontestablement, je ne vais pas dire le contraire. Mais à l'origine, toutes ces institutions internationales ont commencé à produire des statistiques sur la croissance, sur l'Afrique, sur le tiers-monde dans les années 50, les années 60. À cette époque-là, la logique qui anime ces institutions, elle est keynésienne. Il s'agit d'aider au développement, il s'agit donc de mettre en œuvre des politiques d'aide étatique en faveur du tiers-monde, c'est ce qui motive toutes ces organisations internationales, et elles sont, à l'époque, virulemment critiquées par les néolibéraux purs et durs, au sens de ceux sur lesquels je travaille. Ce n'est qu'à partir des années 80, lorsque ces institutions reprennent à leur compte des logiques d'analyse plus libérales, qu'elles deviennent en quelque sorte des exposants de ce que l'on appelle l'ère du temps néolibéral. Pareil pour les politiques de rationalisation budgétaire. À l'origine de tout ça, il y a McNamara, le secrétaire d'État à la Défense à l'époque de Kennedy, mais dans un contexte de politique plutôt interventionniste et dans une logique qui n'est pas du tout néolibérale. Donc il y a des tas d'outils, de logique technocratique qui aujourd'hui sécrètent ce que l'on appelle le néolibéralisme, et encore une fois c'est une acceptation tout à fait recevable, mais ce ne sont pas les outils en tant que tels qui sont néolibéraux. Ça produit un certain type de situation, de politique, qui renvoie aussi peut-être à ce que l'économiste américain David Coates appelle le capitalisme néolibéral. Il a publié cette année, l'année dernière, un bouquin qui s'appelle The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism, où il analyse en termes de régulation le passage du néolibéralisme, du capitalisme keynésien au capitalisme néolibéral à partir des années 70. Et là, je pense qu'il y a quand même une grille de lecture à ne pas perdre de vue. Il y a des ruptures au niveau de politique, au niveau macroéconomique, qui sont importantes dans les années 70 avec la dérégulation du marché financier, on travaille surtout sur les États-Unis, mais il y a aussi ça à prendre en considération de l'histoire économique au sens propre, au sens pur et dur du terme, qui explique bien les choses. Donc je reste persuadé du fait qu'il est extrêmement difficile de définir le néolibéralisme. Alors on ne sait plus trop où on en est entre ordolibéralisme, néolibéralisme, concurrence pure et non faussée, etc. Le social-libéralisme, il y a un vrai effort de définition à faire et qui reste largement à produire. Alors rapidement, pourquoi finalement il s'y réfère très peu ou il revendique très peu, en tout cas pour les Français? Je pense que ça c'est essentiellement lié à la structuration du PS français, à l'histoire. Premièrement, depuis 91, les courants ne déposent quasiment pas de motion pour se distinguer idéologiquement. Ils se mettent d'accord sur ce qu'ils estiment être la proportion que chacun pèse dans le parti. Ils ne se comptent jamais. à cette égard, les primaires changent un peu la donne. Mais, et ce qui se passe, c'est que concrètement, en fait, c'est, il y a toujours les principaux courants et les principaux leaders dans la même motion majoritaire. Donc, toute distinction idéologique est une perte de souplesse tactique et coûte extrêmement cher en termes de gouvernance interne. Deuxièmement, il y avait la gauche plurielle, dans le cas de Jospin, et il y a l'existence, et de plus que de la gauche radicale, d'un mouvement social non négligeable, et une partie des gens qui sont au PS étaient quand même des gens qui venaient d'organisations militantes, qui ont cette culture-là, et ça pèse. C'est ce qu'ils appellent le surmarxisme, précisément, qu'il faudrait casser. Et par rapport aussi le mode de scrutin fait qu'il est quasiment impossible pour le PS de s'en tirer seul, contrairement par exemple au Royaume-Uni, où à part la liste Respect, des listes syndicales trotskistes en 2003, il n'y a quasiment jamais eu de concurrent à gauche pour le Labour Party. Donc c'est beaucoup plus facile de faire une rénovation entre guillemets intellectuelle dans la mesure où on peut la faire et ça coûte pas trop cher. De toute façon, à la fin, on aura quand même la majorité dans le parti et la majorité au Parlement. Donc effet de scrutin, effet d'historique et effet de gestion interne du parti. Et puis tout simplement, il y a une diversité idéologique au sein du Parti Socialiste qui se voit même moins maintenant puisque ce n'est pas l'idéologie qui détermine les places, on s'en est bien rendu compte, mais qui est quand même réelle. Après, pour Uber et toute cette question de déréglementation, etc., bon, faut voir quand même que dans les textes, ils sont quand même, a priori... contre les taxis et tout pour la déréglementation. Macron était celui qui a rédigé, en fait, qui était le secrétaire de la commission Attali. Donc c'est vieux, ces histoires de déréglementation, de ces professions-là. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils sont strictement pour. Après, ils sont au gouvernement, il y a des rapports de force. Ça pèse dans une situation politique où c'est extrêmement compliqué. Ça fait les notaires, les huissiers, les médecins, les taxis. Là, je crois que c'est de la gestion gouvernementale. Mais dans les textes, les sociaux-libéraux sont très clairs. Les taxis doivent disparaître en tant que profession réglementée. Tout ça doit être cassé. C'est des rentiers, ça diminue l'acuité de la politique de la concurrence. Donc c'est assez pur, c'est assez sain de ce côté-là. Après, parler de concurrence libre, pure et non faussée, c'est compliqué dans le cas d'Uber, puisque de fait, c'est une concurrence faussée. Bon, voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour le coup, eux sont très sociolibéraux et respectent vraiment cette idée-là. Et donc, pour eux, Uber, c'est quand même un petit peu de l'évasion fiscale. Donc, là-dessus, il n'y a pas trop de troubles à avoir. C'est très purement néolibéral sur ce point-là. Voilà. Éventuellement, une dernière petite question ? Alors, moi, je vais arrêter. Alors, juste une toute petite pour Jean. Parce que tu as évoqué comme en passant, disons, une sorte de pseudo-keynésianisme qui est conjoncturel que Röpke aurait eu au moment de la crise de 29. Si je t'ai bien suivi. Oui, tout à fait. En recommandant des politiques contracycliques qui est assez proche de ce que, de la théorie générale de Keynes. Et alors, premièrement, comment ça se fait ça peut paraître étonnant, a priori, pour un théoricien de la concurrence, libre et non faussée, supposé être une des principales sources de l'ordre libéralisme, et donc aussi la philosophie économique de l'Union européenne indirectement. Et deuxièmement, est-ce que ça ressemble, ou est-ce que c'est marrant, est-ce que c'est cohérent malgré tout avec sa théorisation économique qui est peut-être plus subtile qu'on pense aussi, parce que c'est quand même distingué, de même que Hayek, sur ce rapport, est-ce que ça ressemble au keynésianisme soudain que se sont découverts certains des libéraux récent, lors de la crise de 2008. Évidemment, l'État, ça, peut-être que ça sert à quelque chose, au moins un État pompier qui viendrait arroser, éteindre l'incendie et renflouer les banques et pratiquer, dans ce cas-là, une politique contracyclique. Alors, pour répondre à la crise de la croyance économique. Crise de la croyance économique à laquelle, effectivement, il a très habilement répondu à cette manière. Röpke est une sorte d'exception par rapport à ses camarades, comme je disais. Il lit beaucoup Keynes, et tous les économistes allemands lisent beaucoup Keynes, alors Keynes, c'est pas du tout les économistes allemands. Et à cette époque-là, c'est pas encore un idéologue, c'est pas encore un penseur de la crise. Il est plus à gauche, politiquement parlant. Il n'est pas encore dans cette logique d'analyse culturaliste. Et il fait une analyse économique, une crise normale se dissipe d'elle-même, il faut attendre que le cycle reparte. Simplement, la crise de 29, ce n'est pas une crise normale, c'est ce qu'il appelle une dépression secondaire. Donc à partir de là, il y a deux solutions. Soit on attend que ça redémarre de soi-même, l'activité économique, et ça va finir par se faire. Mais on sera à un tel niveau de désastre économique, social et politique que ce serait totalement suicidaire d'attendre que l'économie redémarre d'elle-même. Donc il faut faire quelque chose. Donc il faut réamorcer la pompe. Il faut éviter d'en rester un équilibre de sous-emploi. Donc là, il y a tout un débat dans le milieu économique allemand, ce qu'on appelait les proto-keynésiens. Il y a un monsieur qui s'appelle Lautenbach, qu'on a appelé le Keynes allemand. Donc il y a toute une sorte de réflexion proto-keynésienne, sachant qu'il faut sortir de l'idée qu'il y a un avant, il y en a après 1936, un avant, il y en a après la théorie générale de l'emploi. C'est pas Keynes qui, tout d'un coup, arrive avec son livre tout fait sous le bras. Déjà, c'est quasiment une co-construction, c'est dans une série de séminaires que s'élabore en quelque sorte la théorie générale de l'emploi et de la monnaie. Et puis, dans les années précédentes, avec l'usage des ouvrages précédents, il préconise Keynes une politique de relance dès le début des années 30. Donc tout ça, ça circule. Ce qui se passe, les débats en Angleterre, ils sont perçus en Allemagne. Et la commission Braun en Allemagne, à laquelle Rothier participe et dans laquelle il propose une intervention de l'État. Donc c'est simplement une réponse pragmatique, qui se veut pragmatique, situation exceptionnelle de contraction complète de la demande. Les capitaux privés ne veulent pas s'investir, mais il faut bien que quelqu'un investisse, et c'est l'État. Après, il va constamment renier. Enfin, il ne va pas renier. Il va dire que c'est une réponse pour une situation très spécifique. Mais après la guerre, c'est tout à fait différent. On ne peut pas appliquer les recettes keynésiennes qui étaient pertinentes au début des années 30 dans le contexte de l'après-guerre. C'est comme, dit-il, suivant des métaphores dont il avait le secret, c'est comme partir avec une tenue d'explorateur polaire sous les tropiques que d'appliquer les recettes keynésiennes dans le contexte des années 50. Ça ne peut générer que de l'inflation et donc accroître les politiques nocives dites au plein emploi. Et là, il se retrouve pleinement avec ses camarades de combat. Mais au début des années 30, c'est plus lucide. Enfin, de fait, il propose des vraies solutions de type contracyclique. Okay. Alors, bon. Alors, juste une petite précision avant de... Je vais la séance et remercier les invités. La prochaine séance aura lieu le 8 avril et portera sur les socialismes, plutôt le XIXe siècle, donc après un autre dynamisme, très très gros, au pluriel. Et moi je vous laisserai regarder le programme et ce sera salle Gogel 56 rue des Saint-Pernes, pas au même endroit, et ce sera un vendredi, donc c'est pas grave. De toute façon, le lieu change. J'en profite pour. Remercier très chaleureusement nos trois invités pour ces discussions, ces interventions et ces discussions riches et passionnantes. Et merci à vous, au public.